Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le programme présenté est réservé à un public averti. En effet, dans les deux heures qui vont suivre, vous ne serez pas à l'abri d'être transporté dans l'univers fantastique de Cthulhu, une monstrueuse entité cosmique, une gigantesque créature extraterrestre endormie depuis des millénaires qui réveille ses tentacules pour agiter votre samedi soir. Entrez avec nous dans l'antre de Cthulhu. C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à toi, Clément. On est reparti. Je me lance. Quoi ouais, déjà vas-y. Comment ça, quoi déjà? Tu ouais. Ouvres mon micro dans ton nez? Non, c'est juste. T'as fait quoi pendant tes vacances et tout Non, on n'est pas là pour ça non plus, hein. Ah bah va te faire. Okay. C'est pas que tu solifles. Tu veux un jet de constitution quand je vais te. Non, je vais censurer, il y a des enfants. Où ça? Bien. Il est 14h. Je suis pas sûr. Si. Dans ce petit hôtel Chelsea, nos petits protagonistes sont en pleine digestion. Après avoir mangé un délicieux hot dog. Au poulet. Et ils étaient en train de se demander, allait-il vers le Caire, vers Shanghai? Il y a eu beaucoup de pistes. Puis ils se sont finalement orienté vers les meurtriers de leur ami défunt Jackson Elias, qui semblait être omnubilé par cette histoire de l'expédition Carlyle. Nos investigateurs ont décidé de se pencher vers la sœur de Roger Carlyle, le défunt, qui serait une certaine Erica Carlyle, une femme plutôt riche. Nos investigateurs, bien que sympathiques, ne se doutent pas actuellement qu'ils allaient faire face à un tragique destin qui les observait dans l'ombre. Mais leur choix allait être peut-être décisif pour l'avenir. Que choisissez-vous? Que faites-vous? Je pense que ça serait une bonne idée d'aller voir la femme de Carlyle. Ouais, je pense que ça serait bien aussi. Je vais partir en Égypte, moi. Après. Mais toi, on t'écoute plus. Me fait chier, moi. Trop d'alcool en toi. Salaud. Non, mais ouais, je pense que ça serait vraiment bien d'aller voir sa femme. Ouais. T'as une voiture, toi, Xiao? Ouais, j'ai mon chauffeur, si tu veux. Un chauffeur? Combien de places dedans? Bien assez pour nous tous. Sauf pour Thomas. Qui ça? J'ai oublié son nom, attends. James. On peut le mettre dans le coffre. Parce que les ivrognes, ils ont pas le droit de monter. Ouais, c'est vrai que dans le coffre, c'est assez cohérent. Ouais. C'est ta voiture, écoute. Non, mais je vais appeler mon chauffeur, on va. Ouais, sinon, j'ai une voiture aussi. T'as une voiture? Bah oui. Elle est où depuis le début? Je m'en sers pas, c'est tout. T'es vraiment un connard. Bah, en même temps, tu peux pas conduire. Je pense à l'écologie, mais c'est. Non, en 1920, pardon. On pense pas à l'écologie. Si, il y a déjà les premiers essais sur l'écologie, alors on ferme ses yeux. Putain. Du coup, faut qu'on aille à l'aéroport, c'est ça? Dans tous les États-Unis, il doit y avoir 10 mecs qui pensent comme ça et on en a un, tiens. Ouais. Vous voulez que mon chauffeur nous emmène où exactement? Bah, chez la femme de Carlyle. Clifford. Elle habite où? Ces trucs. Elle habite. Clifford, tu vois ta femme être avec un teint tout pâle et qui commence à avoir les yeux qui se ferment. Naomi? Ah, Naomi, ça va? Clifford, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe, Naomi? Je crois que je fais une crise de. Et soudainement, ses yeux se ferment et elle tombe sur la table. Naomi, Naomi. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas ce qu'elle a. Médecin, qu'est-ce que tu peux faire? Je rappelle qu'elle a des crises habituelles de narcolepsie. Ah oui, c'est vrai qu'elle a une narcolepsie. Non, c'est bon, elle dort. Calmez-vous. Elle dort. Ouais, bah elle dort. Elle dort. Elle en a pour deux jours. Ah ouais, sérieux? Elle a des crises de narcolepsie. Du coup, on en fait quoi de ta femme? Non, bah. On la met dans le caniveau et on. Mais non, pas dans le caniveau, c'est ma femme quoi. J'ai le coffre? On va la laisser dormir tranquillement. Oui, voilà. J'ai demandé une chambre à l'hôtel et puis là, elle en a pour deux jours. Ses crises habituelles, c'est deux jours. Tu crois pas que c'est dangereux de la laisser seule? Bah oui, mais dormir. D'accord, bon bah voilà. Le chauffeur il va arriver là, dans 15 minutes il est là. Ok. Du coup vous m'avez toujours pas donné l'adresse, où est-ce qu'on va? Hein? Bah l'adresse c'est la femme de Carlyle, donc. Oui, merci. C'est ça. c'est bon là, tu m'entends bien. Je vais dire ça à mon chauffeur. Donc, Xiao, tu sors. D'accord. Parce qu'on peut pas sortir dedans. C'est sûr. Il fait froid, on est toujours en hiver dans cette zone enneigée. Mm-hmm. Et tu vois ton chauffeur qui est en train de tourner un peu autour de sa voiture. Il a l'air d'être assez embêté. Et quand tu te rapproches, tu vois que la voiture a les quatre pneus crevés. Oh putain. Alors, mais comment c'est arrivé ? Qu'est-ce qui fait le chauffeur ? Chauffeur, pourquoi les pneus sont crevés ? Comment t'as fait pour venir avec 4 pneus crevés ? Non, j'étais garé là exprès parce que je savais que vous séjournez là. C'est là tout à l'heure quand j'ai voulu venir vous chercher. Je suis allé à ma voiture et je viens de découvrir mes 4 pneus crevés. C'est pas grave. Sûrement un petit con qui doit être dans les alentours. Il est en train de regarder, puis c'est vraiment. Bouge pas, attends, je vais appeler les autres. On va essayer de voir si on trouve cette personne. Non, mais on va pas. Du coup, je retourne à l'intérieur et chercher les autres. Et continue si les songes. Non, mais c'est pas grave, on va prendre ma voiture, c'est pas grave. Ouais, mais c'est inquiétant quand même parce que je te rappelle que Naomi adore dans cet hôtel. Quelqu'un a crevé nos pneus, donc à mon avis, c'est un signe. Non, pas forcément, c'est un gamin qui passe. C'est un peu la zone, dans le coin, quand même. Ouais, c'est. Regarde là-bas, il te fait un fuck là. Regarde là-bas. Tu vois ? Ah, d'accord. Je cours après ce non, gosse. Non, il s'est barré. C'est... Oh ! il avait mangé une taloche. Il allait mettre une baffe, le gosse, il allait mourir. Ah, ils sont comme dans Skyrim, ils sont incroyables. Bref, qu'est-ce que vous faites là ? James, t'avais pas dit que t'avais une voiture ? Si j'ai une voiture, y a pas de problème, j'appelle le chauffeur. Ah, t'as un chauffeur toi aussi ? Bah oui. Ah, putain. Moi je suis quand même genre j'ai ma stune, tu vois. Donc, bande de nantis. C'est ça. Bon bah voilà. Combien en crédit ? Crédit. Attends, je cherche. J'avais 70%. Ah effectivement, c'est pas déconnant. Fais-moi un test de crédit pour voir si t'as un chauffeur parce que je trouve ça trop facile. Salaud, celui-là. J'ai fait 1 et 0. Bah 1, donc j'ai fait 1. Réussite critique. T'as le chauffeur qui est même. Tu viens de gagner au millionnaire. Juste derrière le premier. Télékinésie, mon gars, il est là. Top, il se téléporte. Tu vois ses pneus, ils sont. Intacts. Ils sont brillants. Ils sont blindés, les pneus, mon gars. Tu vois des pneus, il y a même des. Pas des petites chenilles, mais des petits crampons exprès pour la neige. Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, il a moins une belle gueule, ton chauffeur, à toi, hein ? Hein ? Moi, c'est une limousine, toi, t'as un truc, c'est une Twingo. C'est ça qu'on t'est Twingo. Non, bah rien. C'est pas roleplay. C'est pas roleplay, tout ça. Bien. Vous allez dans la... Twingo. Dans la Twingo... Twingo mobile. Non, on va pas faire ça. Dans la voiture. Fiat Panda. Je précise que quand je rentre dans la voiture, vu que c'est mon chauffeur, il me sert un petit verre de whisky. C'est ça, juste à toi. T'as même ton verre de whisky. N'en demande pas trop quand même. qu'est-ce que vous faites ? On se met en route pour. Vous êtes tous rentrés dans la voiture. Je rentre dans la voiture, oui. Oui, on rentre tous dans la voiture. Non, mais d'accord. Et puis on s'en va en direction de la maison de la femme de Carlyle. T'as le chauffeur, il se retourne et fait la femme de Carlyle ? Ouais, merci, c'est une très bonne offre. Oui, vous avez pas vraiment l'adresse ? Et toi, tu l'as ou pas ? Bah non, bah alors viens pas faire le cake. J'ai demandé tout à l'heure pour le chauffeur, bah, la femme de Carlyle. Ouais, merci. Alors, ce qui est sûr, c'est que le journaliste nous l'a donné l'autre fois. Je sais, c'est Naomi qui avait l'information, mais vu qu'elle dort, ça va être compliqué. Ah, bah génial. Ouais. D'ailleurs, elle est toujours sur la table. Naomi, bah, je peux la secouer. Vous êtes dans la voiture. On a pas oublié de la remettre dans. Si, si. Trop tard. Ah, trop tard. Ouais, non, ouais. Attends, bon, alors je dis. Attendez, j'ai oublié une course. Je dis, attendez, j'ai oublié ma femme et je reviens, les gars, désolé. Bah, profitez-en pour regarder dans ses affaires l'adresse. Ouais, je. Donc, je retourne dans l'hôtel. Je prends ma femme dans les bras et je vais la monter dans une chambre. D'accord. Enfin, je demande au garçon une chambre et. Tu la mets tranquillement dans une chambre. Vous avez déjà eu une chambre, tu la mets dans la tienne. Voilà, je la mets dans ma tienne. Dans la mienne. Dans ma tienne, c'est compliqué. Dans la mienne, dans la. Très bien. Et donc je vais par contre fouiller son sac que j'ai pris avec, hein, bien sûr. Je vais fouiller son sac à la recherche de l'adresse de Carlyle qu'elle avait. S'il te plaît, c'est sympa. Alors, est-ce qu'elle a noté l'adresse de Carlyle dans ses papiers, dans ses notes? Oui, quelque part. C'est une excellente question. Son problème, c'est que c'est un sac de femme. Oh, je pense pas. Ah, je vois dans ses papiers une note qui dit Carlyle habite au nord à Westchester Heights. Et c'est exact. Vous avez gagné un voyage à Westchester Heights. Pouvoir du papier, retenez bien ça, les gosses. Alors, rappelez-moi la prochaine fois de pas emmener ces papiers. Non, non, ça c'est les miens, je les avais gardés. Très bien. Bon, bah c'est parfait alors. Vous avez beaucoup de chance pour le coup. C'est pas de la chance. Donc, effectivement, c'est Westchester. Wester. C'est ça. Mais. C'est un peu flou quand même. Oh le mec. Bah, vous avez quand même. Vous avez pas l'adresse précise. C'est juste. Vous savez que Westchester. Westchester. C'est quoi? C'est un hameau? C'est un truc comme ça? C'est. Oui, c'est un. Ouais, bah. C'est un genre de hameau. On ira, on demandera notre chemin là-bas. Ouais, je pense qu'on peut faire ça. C'est une famille riche, c'est facile à retrouver dans le village. On regardera sur les on prendra un haut-parleur et fera « Nous cherchons l'adresse de Carlyle ». On en parle dans les journaux, ils doivent savoir là-bas. Très bien. Vous rentrez dans la voiture qui démarre sans problème sur la neige. C'est vraiment très très confortable. Qu'est-ce que tu as à faire, mon gars? Et vous partez, vous quittez peu à peu New York. Et tout ce béton, toute cette ambiance grise, vous arrivez dans une zone un peu plus joyeuse. Il y a un peu plus d'arbres, de végétation. C'est de la joie, ça. Mais vous arrivez dans une zone un peu plus sinistre, soudainement. Musical. Car vous passez à côté d'une prison. Une espèce de prison sur la route. Une prison assez sinistre. Oh merde, putain, l'autre. Vous voyez qu'il y a des barbelés. Il y a pas mal de gardes, de choses. Et après, passer cette zone, vous arrivez enfin vers un grand panneau avec marqué Westchester Heights. Je savais pas qu'il y avait une prison à Westchester. C'est marqué don't open, dead inside, faut pas ouvrir. Exactement. D'accord. Le conducteur s'arrête devant ce grand panneau. Qu'est-ce que vous faites? Bah, faut qu'il rentre. Vous êtes. C'est un. Il y a un portail? Non, c'est le panneau d'entrée de la ville. Ouais, c'est plutôt la ville. Bah, ouais, il reste pas qu'on ait un con devant le panneau d'entrée de la ville. C'est vrai qu'il est très con, ton chauffeur. Non, non, mais il se retourne et il vous dit bon. Dans quelle direction je vais? Alors, on est déjà arrivé dans la ville. On va au bar du coin, je pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il doit avoir l'habitude. Bah oui, au bar du coin, ils doivent avoir des infos, ils doivent connaître le gars. Tu vois ton chauffeur lever les yeux au ciel et dire: ah bah, j'aurais dû m'en douter, évidemment. J'ai entendu quelque chose? Hein? Vous se faire virer, c'est ça? Attention, hein? Oh. Il n'y a aucun respect. Alors là, il te regarde, il fait: d'accord, j'ai très bien compris l'information, il te sert un verre de whisky et il te le passe. Ah voilà, parfait, ça c'est un bon employé. C'est pas le bar du coin, ça. En fait, c'est pour ça que ton chauffeur, tu l'as pris, c'est qu'à chaque fois il te servait des verres. Ça allait pas, il te servait un verre. Donc, ça allait, il te sert un verre. Ça allait, il te sert un verre. Je galère. Vous continuez donc, vous arrivez dans un quartier. Le quartier est plutôt riche, mais. Semble être tranquille. Il y a pas mal de végétation par rapport à New York, c'est assez surprenant. C'est pas une ville fleurie. Ah si, elle est. Enfin, New York, oui, c'est pas très fleurie. Ouais. Là, la ville, elle est assez fleurie. C'est plutôt coquet. Et vous arrivez devant une zone où il y a quelques bars, quelques hôtels, quelques bâtiments plutôt riches. Je crois qu'on est dans la rue commerciale, les gars. Et le bar, il est où? Là, il y a quelques bars devant. Il y en a. Et ben, on prend celui où il y a le plus de gens, on y va et on va voir, on va questionner les gens s'ils connaissent pas. Je retiens personnellement le médecin, Jackson. Je le regarde dans les yeux, je lui dis: bon, écoute, on n'est pas là pour vous boire, alors. Mais c'est un vrai plan cette fois-ci. On va dans un bar parce que Carlyle c'est un mec suffisamment connu pour être connu par plein de gens. Donc dans un bar, il y a plein de gens, des gens qui sont potentiellement moyen sobre, ce qui fait qu'ils vont donner des infos facilement et on va pouvoir savoir où il habite de cette manière-là. Ouais, mais tu devrais peut-être rester dans la voiture du coup pour surveiller le chauffeur. Oui, d'accord. Non, alors ok, on y va, mais par contre, si on te retrouve encore à vomir ton whisky frelaté dans le caniveau, ça va mal se passer, d'accord ? C'est pas moi, ça devait courir quelqu'un. C'est ça. Ça devait être le chauffeur. Ouais, exactement. Ouais, on le prend avec la gastro. Donc, vous sortez, vous allez dans ce bar, le bar le plus proche. Mm-hmm. Comment il s'appelle ? Westchester Pub. C'est original. Tout simple. Ok. Bah, entrons dans le Westchester Pub. Ok, on rentre dans le bar. Très bien. Non. Vous rentrez, il y a une petite foule, mais ça va, c'est supportable. Vous sentez une odeur de tabac vous remplir les narines. Ah, et là, je suis chez moi, là, on est bien. Vous voyez un serveur qui possède un très beau costume, qui arrive vers vous, qui vous fait désirer quelque chose. Oui, votre meilleure bière, mon cher. Attention, James. Ta gueule, toi. Vas-y. Jus de cranberry. Quoi ? Tu voulais pas lui poser des questions plutôt ? Mais non, mais c'est un serveur, gros. C'est un serveur, c'est pas lui. S'en fout, il habite peut-être à Westchester. Ouais, tant pis. Oui, mais non, mais d'abord on s'installe et puis après on interroge les gens. Un saké, s'il vous plaît. La dernière fois que j'ai bu de l'alcool, ça a pas fait bon ménage. Hein, si vous vous rappelez le musée. Bon, très bien. Un saké, un cranberry. Et vous, monsieur, tout d'un coup il bloque, il regarde un peu vos vêtements. Je parle bien. Ne vous en faites pas, je paierai sa consommation. De Jacob, bien sûr. Oui, oui, oui. Moi, comme je suis pas vraiment très à l'aise quand il y a du monde. Parce que t'es un peu sauvage, quoi. Hein, c'est ça. Voilà, je suis. Donc, je rentre, je bloque, et puis je les regarde tous, et puis je fais non, mais je pense que je vais vous attendre dehors. Je suis pas. Surveille la voiture. Je suis pas du tout à l'aise avec tous ces gens. C'est... Surveille la voiture. S'il y a un mec qui s'approche, tu lui balances une flèche dans la gueule. Donc voilà. Bon, bah, très bien. Il te regarde tourner les tables. Très bien, je vais vous servir. Installez-vous. Il y a une table juste ici. Il vous la présente et retourne au niveau de derrière le bar pour commencer à déjà préparer ses cocktails. Ok, donc on s'installe. Et là, tu vois, genre, je le regarde, je fais « Ok, les mecs, je vous explique comment on fait dans ces situations-là. On regarde la table la plus bruyante, potentiellement la plus bourrée. On s'approche avec eux, on fait « Vous voulez que je vous paye une petite bière ?» Et une fois qu'on est bien installé avec eux, on fait « Dites-moi, je cherche un gars qui s'appelle Carlat. » Et puis après, une fois que c'est fait, il y a une chance sur deux que ça parte en baston. Il est mais déjà déchiré, ça reste lui, une chance sur deux. Il est déjà déchiré, James, non ? Eh non, c'est un vrai plan. Alors là, on pourrait pas demander au barman, plus simplement ? Vous avez le barman qui arrive vers vous, ouais. qui repose tous les verres. Ton fameux whisky, le jus de cranberry, le saké. Flotte une ambiance assez sympathique et vous voyez que la clientèle est quand même. Enfin, vous sentez qu'ils ont quand même un minimum d'argent, quoi. Ils sont assez aisés et les meilleurs. Et donc, il y a le serveur qui vous sourit et qui vous fait. Ce sera tout. Non. Il y a mon cher ami Clifford qui aimerait. Vous parlez de quelque chose, parce que moi je parle pas très bien français. Putain, mais toi, depuis quand je suis ton faire-valoir ? Parce que tu parles mieux que moi, il va te comprendre mieux que moi. Vous voulez des frites ? Non, on est à la recherche de la veuve de Monsieur Carlyle. Est-ce que ça vous dit quelque chose, c'est ça ? Je sais pas. Enfin, je le prends, tu vois, je l'approche un peu, Monsieur je chuchote. Alors, Monsieur Carlyle, oui, il est connu. Il y a la famille Carlyle qui est installée dans le manoir légèrement. Là, il suffit juste de quitter la ville en direction du nord et vous pouvez pas le louper. Mais ça fait quand même 5 ans que M. Carlyle est mort. Oui. Et il n'avait pas de veuve. Il y a peut-être sa sœur. Oui, c'est vrai, mais c'est pas très grave. Ah, vous parlez d'Erika Carlyle. Oui, tout à fait, oui. Excusez-moi. Une femme, quoi. Une femme assez influente. C'est le jus de cranberry, ça me rend tout. D'accord. Oui, bah oui, vous rendez vers le nord et vous pouvez pas le louper. C'est un énorme bâtiment surprotégé. Surprotégé, comment ça ? Bah, vous savez, les hommes riches, les personnes riches vivent dans des... Surtout elle, qui est très influente... des protections un peu autour, il y a des gardes, il y a des choses comme ça. Vous croyez qu'ils vont nous laisser rentrer facilement ? On demande juste à la voir. Elle vous connaît ou pas ? Ne vous inquiétez pas, nous connaissons. On est en rapport avec la police, on enquête sur des meurtres. Si vous avez un mandat, peut-être, mais sinon, j'ai bien peur que ce soit difficile. Vous savez pas, on connaît très bien son l'éditeur des livres de l'expédition de Carlyle. Elle devrait nous situer, je pense. Ah, faut voir, on peut essayer de... Enfin, je sais pas, après, je la connais pas personnellement. Mais, ne vous inquiétez pas, c'est notre affaire, après. On ne vous attarde pas plus à votre travail. Il vous sourit et il fait, bon, bah, bon courage, je sens que vous allez en avoir besoin. Merci. Il repart. Tu bois ton whisky ? Bien sûr. J'ai de constitution. Ah. Putain. Parce que c'est quand même la troisième boisson forte de la journée. Il est que 14h. Putain, je t'avais prévenu. 43. Et j'ai... Ouais, tu t'avais une bonne constitution. J'ai 60. Oh. Moi, à boire, ça me rend plus fort, les mecs. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, donc... t'as légèrement chaud aux joues. Là, j'ai rien fait. Ok, là, je suis bien, les mecs. Là, je suis dans le bon état. Très bien. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes tous autour de votre table, vous sirotez un peu vos boissons. Et ben moi je dis, on va rejoindre mon chauffeur Google, c'est un très bon chauffeur. Non, je... Il s'appelle vraiment Google ? Attends deux secondes. Il s'appelle Mac Google. Le serveur a l'air de savoir des trucs, on peut peut-être le cuisiner encore un peu ? Oh non, je pense pas qu'il soit... Ouais, à mon avis, il peut pas nous servir à grand-chose, surtout si on veut pouvoir rentrer, parce que les gardes, cette histoire de garde, en fait, ça me chiffonne un peu. Parce que c'est pas dit qu'il nous laisse passer, c'est con. Avant la nuit, tu penses ? Ouais. Il est quelle heure ? Il est 15h. 15h, d'accord. Parce que. Je sais pas, moi je suis garde, je laisse pas rentrer même des gens qui. Voilà quoi. Non, mais je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est aller à un petit magasin avant, acheter, je sais pas, des fleurs, une grosse gerbe de fleurs, et arriver en mode. Je viens d'apprendre pour la mort de votre mari il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Mais oui, mais à l'époque, le courrier met longtemps à arriver. Ouais, mais enfin, on va passer pour des gros cons quand même. Ouais, mais je pense que ça peut. Non, mais oui, un cadeau, oui, ça peut être une bonne idée. Entendu, ouais. 5 ans, le courrier, il se fout de notre gueule. Non mais ouais, un cadeau ça peut être bien, mais évitez de dire qu'on vient pour la mort de son frère. C'était il y a 5 ans, je te rappelle. Non mais à la rigueur, il n'y a pas l'un de vous qui pourrait se faire passer pour un policier de New York ? Sans Oula. Plaque, sans mandat, sans rien ? Ouais. Non, mais ça me paraît encore très bien. Le pire plan que le mien. Je sais pas comment t'es fait, mais t'as réussi à faire un pire plan que le mien. Bah, mon niveau d'intelligence n'est pas très élevé. Non mais allons-y, juste peut-être qu'elle pourra nous recevoir, nous parler de son frère. C'est les pires investigateurs. Ça nous coûte rien d'aller voir. Tu veux qu'on s'arrête avant, on cherche un bouquet de fleurs ? Vous avez fini vos boissons ? Un cadeau au minimum, je pense. Un gâteau ? Non, un cadeau minimum, ça peut toujours bien passer par les fagots, quoi. Bah, tu le payes. Ben oui, pas de problème, je vais le payer. De toute façon, je suis plein d'études, vous savez. Oui, moi aussi, mais j'ai affaire. Bon, après avoir fini vos verres, qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, on va rejoindre Mac Google. Qui ça ? Donc vous vous dirigez Google vers Mac. La sortie. Mon chauffeur. Il y a le serveur qui vous regarde du coin de l'œil. Ah ouais, on n'avait pas genre oublié de payer, les gars ? Vous avez payé ? Est-ce que vous allez payer ou pas ? Ah oui, on va. Enfin. Oui, tu vas payer. Oui, je vais payer. Il est je me permets d'utiliser un petit peu le médecin qui est un peu bourré pour payer les consommations. Je lui dis pareil. C'est son tour. Non mais j'ai pas de problème, moi je D'accord. paye les mecs. Moi je suis un mec comme ça. Il paye toujours les tournées. Quand il y a de l'alcool, il y a pas de problème, les mecs. Très bien. Donc tu te diriges vers lui, tu lui proposes de payer. Enfin, tu vas payer la tournée. Et là, il vous dit, ah, vous savez, si vous voulez avoir une petite chance de la voir, parfois, elle organise... Enfin, elle peut être là lors des soirées riches. Elle n'est pas toujours à son manoir, vous savez. Dans les vernissages, les choses comme ça. Peut-être, oui. Peut-être que dans certaines soirées un peu riches, un peu huppées, vous allez avoir un peu de chance de la croiser. Vous savez s'il y en a une bientôt ? Ce soir, genre ? Vous avez entendu un événement dans la ville, un gros événement ? Pour le coup, laissez-moi un peu... Faut lui laisser un pourboire, faut lui graisser la patte, là. Ah, allonge les vrai, pistons. C'est toi. Vrai que là, c'est un peu difficile de savoir comme ça. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle pas beaucoup. J'ai un ami qui s'appelle Benjamin Franklin, qui peut vous aider à vous remémorer. C'est qui, ce type ? Putain, bon. Bon, bah voilà. Ils ont rien compris. Je on vais... dire que c'est un chinois. Là, il dit, c'est... Je sais pas... Et avec ceci, ça va peut-être vous aider. Ah. Tu lui donnes quoi ? Enfin, tu montres ton point. C'est ou... ça en euros ou c'est en... C'est en dollars. En dollars. Tiens, je te donne 20 dollars, mon ami. Ah, maintenant que vous le dites. Ah, mais évidemment, il y a une salle. Il y a une salle qui avait été une espèce de manoir qui est actuellement vers l'ouest. Il y aura une fête ? Une fête, non. C'est plutôt un grand rassemblement où il y a des peintures. C'est pour promouvoir certains peintres. D'accord. Des choses artistiques. Avec 20 dollars supplémentaires, tu saurais où c'est l'adresse exacte ? Non, je n'ai pas l'adresse exacte. Ah, bah je les garde alors. Non, désolé, là, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas. Mais c'est déjà gentil de ta part. C'est pas très difficile. Hein. Vous allez en direction de l'ouest et vous cherchez un. C'est pas un hangar, mais un bâtiment près d'un lac. Mmh. Qui est dans une zone assez calme, mais il y a des panneaux, ça s'affiche. Je n'ai pas le nom, mais c'est manoir quelque chose. De toute façon, c'est le seul manoir du coin, donc vous cherchez et quand vous avez le panneau de manoir, vous devez peut-être trouver. Ok, soit. Eh bien, merci, mon brave. Il regarde les dollars que tu as dans ta main et il fait de rien. Allez, tiens, vas-y. Ah. Allez, t'as été sympa, voilà. Ton saké était pas trop dégueu. Mais pense à rester plus chinois quand même, parce que j'ai pas. Un autre saké Allez, pour la première fois. Ah, bah c'est ça. Vous êtes sympathique. Allez, voilà. Je vous offre un saké. Il te sert un saké illico et il te donne le verre. C'est parti, allez, hop, igloo, on y va. Merci, mon bras. Allez. Tu t'es fait un ami. Ouais, j'ai un ami Benji. Vous sortez. Vous voyez la voiture qui est toujours dans un état impeccable. Et vous, donc, vous partez en direction de ce fameux manoir. Et avant de passer à la suite, on écoute Tiffany Alvord avec sa chanson « Where Would You Be ?» C'est le branle-bas de combat. On va vous enrôler dans la folie sur Indestar. Tout à fait, de retour sur Indestar. Et oui. On est là, on est bien. Ouais. On a mangé un petit peu de pizza vite fait. Oh yes. Et on est reparti vers la maison de Carlyle, oui, qui s'appelle Westchester Heights, de Erika, au nord de la ville. C'est ça. Non, on va pas vers elle. Donc là, on va à l'ouest. Vraie question. Est-ce que vous essayez de vous diriger vers le fameux manoir ou pas? Parce que vu l'heure qu'il est, je suis pas sûr que ce soit. Mon ami PNJ nous a dit d'aller plutôt vers l'ouest. Il y a une soirée où il serait peut-être. Ouais, mais il est quelle heure? Je sais pas. Il est actuellement. À peu près 16h, on va dire. Ah ouais, les soirées, c'est donc quand même 5h. C'est une soirée. Ouais, ça commence dans 2h. Ah non, c'est une soirée de la haute, c'est plusieurs 21h. Mais il avait dit que c'était ce soir, je sais même plus, tu vois. Donc, je regarde mes compères, ils ont appris. T'es sûr? Ouais. Ouais, ça s'appuie déjà. Moi, j'irais plutôt déjà acheter un cadeau et puis après aller au manoir et voir où est-ce que c'en est, quoi. Moi, je suis assez d'accord. Ouais. Et si elle genre nous dit non, je vous reçois pas, machin, dire vous allez à une soirée, il me semble peut-être nous pouvons nous croiser à ce moment-là pour parler business notamment. Sinon, juste comme ça, t'avais bien acheté les armes, je m'en rappelle. J'ai une arme. Vous avez tout. Ouais. J'ai un pistolet, un revolver 6 coups et un semi-automatique. Que t'avais donné à Cliff. Chercheur à 12 balles, ouais. Et un Cliff. Qui m'en met plein la gueule depuis le début, je tiens à préciser, alors que je lui file des trucs. Hein. Une putain d'arme, il m'en met plein la gueule. L'alcoolisme, je connais, c'est pas. Ouais, ouais, petit con. Ouais. T'es sûr que t'arriveras à viser, moi ? Moi, je vise tout le temps mieux quand je suis bourré. Oh putain. Parfait. Bon bah du coup on va où pour acheter un cadeau? Tu veux aller chez Fleuriste? Mais vous voulez acheter un cadeau pourquoi? Pour la fille. Ouais, alors toi oui alors attendez parce qu'il est un peu sauvage. Non mais moi j'étais pas avec vous. Ah oui parce qu'on va chez. Parce que vous avez appris quoi? Où est-ce qu'elle habitait la dame? Et du coup c'est dans un manoir mais elle est vachement recluse. Donc du coup on va prendre un cadeau histoire de l'amadouer. La dame a tué les gardes aussi. Ah d'accord. Oh et si on achetait de l'alcool pour les gardes? Oui. Ça passe toujours ça. Oui, on leur prend un petit pack de 6. Exactement. Avec Xéo. Attends, je prends Xéo en aparté. Hein. Si t'achètes de l'alcool, tu le gardes avec toi, d'accord? Oui. Non, mais tu le connais l'autre. De toute manière, avec toute la réserve qu'il a dans sa bagnole, je pense qu'on peut. Si on prend qu'il y ait une bouteille, il verra pas. Hein. Putain, je crois que t'as raison. Bon, du coup, ouais, on va faire ça. On va l'acheter. Genre, qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Des fleurs. Ah, c'est cheap, hein, les fleurs. Hein. Ouais. Le chocolat. C'est pas parce que t'as vécu dans la nature que... Non, un bijou, quoi. On la connaît pas, cette dame. Un bijou, ouais, c'est gros, quand même. Ah, c'est tricky. Hein. Du chocolat. Non, ça... est-ce qu'on sait dans quel business a fait Erika? Non. Après, si vous avez des documents sur elle, vous pouvez peut-être avoir un peu plus d'informations. Ah bah oui. Parce que Clifford avait eu des documents sur elle. C'est encore de sa faute. Il en a eu, ouais, il en a eu pas mal. Je sais pas s'il les a. Il se rappelle jamais de rien, celui-là. Excusez-moi, j'ai l'esprit embrouillé avec tout ce qui s'est passé. Ça se comprend d'un côté. Il est perdu sans sa femme, en vrai. C'est vrai. C'est sa femme qui a tous les documents. Mais c'est ça, c'est elle qui note tout et tout. Ouais, voilà. Il est perdu sans sa secrétaire. Oui, si, j'ai une lettre qui était adressée à Monsieur Carlyle. C'est bien. Ah. Ça dit quoi? Ça dit... Je vais laisser mon collègue la lire. Ça dit... j'ai appris que vous cherchiez certains renseignements concernant mon pays et je serais prêt à venir en aide. Je possède moi-même certaines pièces que je crois d'une grande importance si nous pouvions parvenir à un arrangement. Je serais prêt à vous les céder, bien sûr, elles sont très anciennes et j'attends un bon prix. Je ne doute pourtant pas que nous parviendrons à nous entendre quand votre agent me rendra visite. Je suis installé rue des Chacals dans le Vieux Caire. En attente, je reste votre humble serviteur, Fazard Nagir. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça, mais ouais. C'est une lettre qui était adressée à Carlyle. Ah, Carlyle. Ouais. Ah, donc c'est... Ça nous aide pas du tout pour savoir ce qu'elle aime. Est-ce qu'il y aurait... Elle est amatrice d'art. Ouais, c'est d'art ou de... Genre, moi, c'est certaines pièces dans le sens monétaire ou... Non, non, c'est des pièces d'art, ouais. Je pense plus des peintures... Tout ça. Bah on va dans une boutique souvenir, on achète un truc. Non mais gros, vous avez pas saisi. Il va acheter un truc en plastique. La mort de Carla, il était un peu bizarre, non, circonstance. Ouais bah oui, c'est l'expédition Carla. C'est un peu sur ça qu'on enquête, je crois. Ouais. Oui. Mais Erika, ça peut l'intéresser de savoir. Oui, mais oui, évidemment. Mais le problème, c'est est-ce que les gardes ne seront pas. Ah, genre, je m'en fous, on fait des gardes. On les tabassera au pire. Mais. On n'est pas sûr qu'il y a des gardes. Hein. Si, on est sûr qu'il y a des gardes. Ouais. T'as pas ce que j'ai compris, si, quand même. Mon ami PNJ m'a dit que... Bon, écoute, on va y aller, on va juste... est-ce qu'il y a un marchand d'art dans les villes? Un marchand d'art... Ça va coûter une blague. Vous avez 4000 dollars, hein. Tourner en voiture... Ouais, facile. C'est une bonne idée. On va dire que tu... tu t'interroges sur la question, vous faites un léger tour en voiture et vous voyez qu'il y a quelques marchands d'art et antiquaires. Ouais bah écoute, on va y aller puis on va acheter un petit truc et puis... Ouais, un petit vase, un petit truc ouais, à voilà, la con, non, pas non, cher. Voilà. Mais moi je vous conseillerais. Hein? Ok bah nickel. Et bah écoute, on fait ça monsieur. Non mais juste une question, oui. Totalement hors RP. Imagine, tu veux aller voir Bill Gates. Ouais. Tu vas aller dans une boutique souvenir d'ordinateur. Tu vas à Lidl et tu vas lui. Mais c'est pas Lidl là, c'est un magasin d'art, d'antiquaire. Là, oui, c'est vrai que t'as de l'argent, j'avais oublié que t'avais beaucoup d'argent. Moi aussi. Bah, Xiao aussi. Je suis plus riche que lui. C'est vrai, j'avais oublié ce détail donc. Merci monsieur le MJ, hein, bravo. Et oh. Ok, alors, l'antiquaire. Oui, ils vont. On va nous coûter une blinde. On va être ruinés. 1 milliard, wait, what? Tu rentres dans une boutique. Qui t'inspire, ouais, tu cherches quoi exactement? Bah, moi là, Clifford dit qu'il se connaît, alors je suis son instinct. Je vais y aller, je vais commencer à fureter un petit peu partout pour voir ce qu'il peut avoir. Pense au budget quand même, parce alors, qu'on a beau être riche, on y va mollo. Hein. Tu te rappelles que la dernière facile, fois. C'est pas son argent, c'est clair. James, la dernière fois, il a dit qu'il s'y connaissait, il a pris un couteau, il a fait. Ah, il est en plastique. Il s'est coupé avec. Et il a fait. Ah, bah non, il est pas en plastique. Ma femme avait vu un malaise avant, j'étais pas dans mon état normal. C'est mon métier antiquaire. Vas-y, ouais, c'est vrai. Vas-y, choisis, on jugera vas-y. Après au cas où. Mais... On va te faire confiance jusqu'à. Ok, donc vous rentrez plutôt dans une boutique d'un antiquaire. Ouais, quand même, un truc chiqué. Ouais, enfin, fais attention à rien casser. Alors vous rentrez, il y règne plutôt une odeur d'encens et de vieux bois à l'intérieur. C'est là-bas, chez les antiquaires, on fait tous ça. Ça pue quoi. Non, les gens pensent que c'est mystique. C'est du marketing. Et lorsque vous rentrez, il y a quelques meubles. Quelques pièces d'art, des vases en cuivre. Vous avez également quelques peintures au fond. C'est assez varié en fait. C'est des vieux, vieux objets. Bah, moi, ce que je propose, c'est que pendant que Clifford il va fouiner, il va voir ce qui est le mieux, machin. Moi, je vais parler avec l'antiquaire parce qu'il doit sûrement connaître la famille Carlyle vu qu'ils sont passionnés d'art. D'accord. Quand tu rentres, donc il y a une petite clochette qui sonne, le petit cling, détail. Cling, cling. J'ai pas. Et tu vois au fond un vieil homme avec une barbe blanche et des toutes petites lunettes rondes. Père Noël. Père Fouras, c'était toi, je le savais. Non, c'est le Père Fouras qui s'est rasé les cheveux au final. Ok, donc c'est un peu. Ouais, okay. Qui, tellement vieux qu'il est chaud. Qui vous regarde en levant son nez légèrement, puis il se rapproche. Bonjour, de chic, quoi. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quelque chose, il dit bonjour. Je vous aider. Alors, mon ami qui est là va, si vous me permettez, regarder les œuvres d'art. Nous cherchons un cadeau pour la famille Carlyle. Et vous devez sûrement les connaître. Oh, la famille Carlyle, vous êtes. Quelle petite question. Est-ce qu'il est venu avec vous, Jacob, oui. Oui, je suis rentré. Oui. D'accord. Celui qui a dit bonjour en vous premier. Vous êtes des personnes. De la haute. Là, il s'arrête devant. Il s'arrête devant Jacob. Et là, je lui fais non, mais vous inquiétez pas. C'est notre serviteur. Cet homme qui a l'air extrêmement mal habillé est en fait un jeune qui est un de mes protégés. Je l'éduque et ça fait partie d'un programme de remise en condition, de remise en société des un des serviteur. Personnes. Vous êtes un genre de milliardaire excentrique, peut-être. Exactement. J'ai eu affaire à des hommes comme vous. Ah, peut-être que vous serez intéressé si par vous les dérange, tableaux. Je peux le faire sortir si vous voulez. Bon, moi, je me dis ça, non, je viens. Non, coup de pas de problème, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Vers le fond, j'ai vous dites, j'allais voir ça. Ça vous dérange pas. Et du coup, allez-y. Et moi, je continue. Tu regardes partir, tu vas, fais-moi un G. D'estimation Ouais, d'estimation. J'ai 51. Putain, il est mauvais. Ouais, monsieur, je fais d'autres trucs aussi. 13. Okay. Tu regardes et tu vois qu'il y a quelques objets pas très chers, d'autres assez chers. Des tableaux aussi qui ont l'air d'être ultra chers. Ça valait le coup de faire ton jeu, mon gars. Non, mais. Il a lu les étiquettes. Au final. Il a lu les étiquettes. Non, au final. Quand tu regardes, les prix sont très variés. Ouais. Mais quand tu t'estimes. Tu trouves que c'est un peu plus cher que la normale, mais ça reste plutôt honnête. Après, t'as des tableaux qui sont pas spécialement signés, mais qui sont presque hors de prix. Mais c'est vraiment quelques rares tableaux, dont certains qui sont signés, qui te rappellent, qui te procurent des frissons en te rappelant des vieux tableaux. Avec les yeux qui bougent. C'est ça. Des t'as l'impression de voir des yeux sur certains déjà tableaux. Vu. Ouais, t'as une sensation de déjà vu. Oh putain, oui, je m'en souviens bien des yeux sur les tableaux. on va peut-être pas prendre ça pour Erika, les gars. Oh, ah, si elle est excentrique et tout. Ouais, ouais, après, faut pas oublier que son mari, il est mort oui, et si avec il ça, peut en apprendre plus peut... ce qu'elle voudra, je pense. Après, ouais. c'est pas exactement le même. Hein. Mmh. C'est juste que... C'est peut-être le même artiste. Quelques petits points. Non, c'est pas le même artiste. Mais il y a des petits points qui peuvent avoir quelques parties similaires. Et bah écoute. Il coûte cher celui-là ? Ouais. Je me retourne vers mes collègues et je dis à mes collègues, c'est celui-là qu'il nous faut. Il coûte combien ? Quoi ? Mon bras, monsieur, dites-moi, combien coûte ce tableau que mon collègue a repéré là ? Celui-là, il se rapproche en avançant doucement. Celui-là, il doit coûter en estimation à 20 000, 30 000 dollars. Après, il faudrait que je consulte les comptes. Pardon ? Non, le prix pour un tableau comme ça, c'est à peine 2 000. Je suis dans le métier, je connais. Vous me permettez de consulter un peu mes comptes ? Allez, bien c'est sûr, peut-être trompé d'un zéro, je pense. Ouais, c'est ça. C'est possible. Et pendant qu'il consulte les comptes, je regarde Florent et je fais... Prépare-toi à fuir avec le tableau, toi. Juste comme ça, 70% de crédit et 80% de crédit, ça correspond à combien tout ça ? Oh, on peut se le permettre. Alors, on peut se le permettre. Se le permettre largement. Après avoir tourné quelques pages lentement et remonté au moins 5 fois ses lunettes, le vieil homme reprit parole. Ah oui, celui-là, il est à. Il était à. Il regarde à nouveau. 2590. Non, il est à 3500 celui-là. Je vous le prends à 3000. Je suis vraiment. J'ai pas essayé. Je tiens à dire que je me suis pas moqué de vous. Hein. J'ai juste. Ah non, je confonds. Je ne doute pas. Monsieur, pas avec moi. Je suis antiquaire. Je connais la ruse. Laissez-moi. Se tromper dans un rouge. Qu'est-ce que vous insinuez que je suis un charlatan. Mais non, monsieur. Mais non, il s'est mal exprimé. Je ne doute pas de votre bienveillance, monsieur. Écoutez, je vous propose de vous le prendre à 3000. Ça me paraît être un bon prix. Pour la gêne occasionnée. 3300. Fais-moi un jet de 250. 3000. Fais-moi un jet 3000 pour le persuader. Est-ce que t'as une compétence en partie 500 balles pour persuader dans tes affaires. Oui. James. Compétence sociale, est-ce que t'as une. Si ça marche pas, je peux peut-être essayer de taper du poing sur la table. Ah bah, ça qui coûte cher. Persuasion là-bas. À 10%. Allez, vas-y. Okay. Pour le beau geste. C'est clair. Allez, lance. Et 23. Ah, dommage. Ah, ok. Attendez, attends. Laisse-moi faire, James. Non, non. C'est cher. Il m'a coûté assez cher tout de même. Bon, 3300, ouais. Je vous le prends. Si je vous refais le allez, sourire avec ma main. 3300. Ah, allez, monsieur, c'est une affaire qui est conclue. Il tend sa main et je prends le tableau. Et du coup, pendant qu'il emballe le tableau, machin, je le questionne un peu. Je fais, bon, dites-moi, monsieur, la sœur Erika Carlyle, elle travaille dans quoi exactement? Parce que nous, on... Voilà. Alors, de souvenir, ça doit être une compagnie qui fait beaucoup d'actions, transactions d'argent. Elle a plusieurs sociétés en son nom. Je vois. Peut-être dans l'armement, ça, je ne sais pas. Ah. Je ne sais pas exactement dans quoi. Dans l'automobile, plusieurs. À mon avis, il doit y avoir plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs. Je vois. Et depuis ces 5 dernières années, elle est. Elle est assez recluse ou vous la voyez encore pas mal Je sais ça parce qu'on est des futurs, peut-être des futurs collaborateurs d'affaires. Vous savez, J'ai régulièrement vu son défunt frère qui me parlait souvent d'objets africains. Il réclamait souvent beaucoup d'objets africains, mais je n'avais pas pu avoir quoi que ce soit pour lui. Vous en avez pas là actuellement? Les objets africains, je dois en avoir. Qui aurait pu l'intéresser, on va dire. Ah, sa sœur. Non, Carlyle lui-même. Je ne pense pas y demander des choses assez excentriques qui venaient d'accord. Directement de là-bas. Je pense qu'il les faisait importer régulièrement. Si vous voulez, je pense que sa sœur ne doit pas trop apprécier les choses africaines maintenant. Oui, bah oui, je comprends bien. Mais bon, elle fait un peu le deuil en ce moment. Vous savez. Ouais, elle est encore en deuil après 5 ans. Je pense que ça doit être assez compliqué. Je comprends. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, mon cher. Vous avez été d'une aide formidable aujourd'hui. Oui, vous me payez par chèque? Oui, bien sûr. Je vais juste chercher mon chéquier dans la voiture. Rappelez-moi votre nom, monsieur. Monsieur James Jacob. Cooper. James Cooper. James Cooper. Très bien, très bien. Je reviens tout de suite. Je vous laisse mon cher Jacob en guise de bonne foi. On s'en va, on vous le laisse, on revient. En attendant, je fais le tour du magasin. Et je regarde si je vois rien. Moi, je me rappelle que j'ai oublié mes lunettes dans la voiture. Alors, du coup, faut que j'aille aux toilettes. Je m'en vais 2 secondes, je vais dehors et je reviens. Il y a le. Alors, vu que tu. C'est pas moi qui paye. T'as pas été très persuasif là pour non, le. Non, mais je vais vraiment payer. Qui se dirige vers la voiture et regarde un petit peu à la fenêtre, les mains derrière le dos. Bien sûr, mais je prends mon chéquier et je me dirige vers lui pour c'est payer. T'as pas pris le tableau donc. Si, c'est. Tu l'as pas dit. C'est moi qui l'ai. Ouais, mais tu l'as pas dit non. C'est Clifford qui. Toi oui. J'ai dit, je prends le tableau si t'as pas écouté. Non, mais voilà, je prends mon chéquier et je vais le payer. On va pas faire d'histoire pour 3000 dollars. Ouais, juste. Bon. Tu payes le tableau alors, pas de problème. Le monsieur est souriant. Parfait. Je sais pas si c'est une très très bonne affaire après tout, mais bon. Je trouve que c'est pour un cadeau. Bref, vous repartez tous dans la voiture après avoir payé. Où est-ce que vous vous dirigez? Eh bien, au manoir. Oui, au manoir. Alors oui. Que la voiture repart vers le manoir dans cette neige et ce village fleuri, enfin plus ou moins, plutôt plein d'arbres on va dire, nous écoutons une cover de Bad Guy. Gifle là, oui, ouais, tout à fait. J'adore. C'est le branle-bas de combat, on va vous enrôler dans la folie sur Indestar. Tout à fait, après cette petite coupure pizza pour vous. Car les rôlistes se nourrissent presque exclusivement de pizza, on le sait. On reprend. C'est clair. En route, on est tous dans la voiture là, je crois. Je sais plus. Vous étiez dans la voiture en direction justement du manoir avec le fameux tableau des Carlyle. D'ailleurs, oui, effectivement, pour faire totalement achever, enfin oui, hors RP. La pizza était bonne. Elle est bonne cette pizza. C'est vrai. Personne a essayé de me. Personne n'essaie de me corrompre avec. C'est de la SMR. On peut pas comprendre. La voiture se dirige chez les Carlyle et en arrivant devant la maison, vous voyez un grand bâtiment avec des grosses barrières, des murs, c'est une grosse propriété. Derrière ces murs, vous voyez des chiens. Cool. Des chiens en train de... J'avais une petite faim. Ah non, c'est pas ça. Des chiens de garde, plusieurs en train de rôder un peu tout autour. Il y a quelques gardes, quelques vigiles qui se déplacent dans les environs. C'est vraiment une propriété assez grande et riche. C'est très fleuri. Enfin, fleuri. Mmh. Je vous rappelle qu'on est en hiver. Mais il y a pas mal d'arbustes un peu partout. Qu'est-ce que vous faites ? On va se finir. Moi, je stoppe tous mes compères et puis je leur dis que les gars, faut pas oublier que demain il y a l'enterrement de Elias. Et je pense qu'on pourrait apprendre pas mal de choses là-bas. Ouais. Donc, ça serait bien qu'on essaie de pas trop tarder, qu'on puisse être présent. Quoi. On peut aussi faire deux équipes. Il y a l'enterrement d'Elias. Je pense que ce serait plus intéressant que de bien prendre notre temps ici avec par exemple moi et Gifford et vous deux qui retournez en. Alors, oui et non. Après, à voir comment ça va se passer. Exactement. Parce que si vous êtes dans la merde, vous deux là-dedans. Oui, moi je cite un exemple, mais ça peut être moi et toi. Je pense que c'est mieux parce que le sauvage et le mec qui parle pas bien la langue. J'avoue. Ouais, c'est vrai que c'est un exemple, mais oui, ça peut être moi et toi. On reste là pour parler avec. Oh non, faut jouer avec toi. Bon, ça serait bien que Clifford soit à l'enterrement de son ami. Oui, ça pourrait faire tâche. Bien sûr. Mais je pense qu'on peut faire ça. Nous, moi et. Je vais faire lancer des dés pour savoir si j'étais avec toi ou pas. Moi avec Diao, on reste là, on va essayer d'arranger les choses avec elle. Le chauffeur vous ramène à New York et nous on se débrouille, on appelle un taxi et ainsi de suite. Ouais, on est bien assez riche pour ça. Donc, d'ailleurs, je pense que ce qui peut être intéressant, Diao, c'est que tu leur passes un peu de thunes au cas où qu'ils aient un problème. Bon, on n'y est pas encore pour l'instant, on va voir comment ça se passe. Bon, vous faites quoi ? Vous toquez ? Il y a combien de là où on est jusqu'à New York ? 2-3 heures de route à peu près. 2-3 heures de route quand même. Ouais, je vais dire 2. 2 heures de route ? Bah, vous pouvez venir avec nous alors. Oui, voilà, on est tous là, donc autant tout faire ici. Ça va dépendre de comment se déroule notre entretien. Là, il est 16h, il est pas trop tard. Ouais, voilà, c'est pour ça, là on a le temps quand même. Ouais, bah, on va voir comment se déroule l'entretien avec Carlyle. Et si on doit rester plusieurs jours sur place, on vous enverra l'enterrement. L'un de vous deux devrait aller parler aux gardes pour pouvoir rentrer. Soit James, soit Cliff. Oh, c'est un petit sobriquet. Moi, je peux y aller. Jimmy. Vas-y, le chien. Tu t'es habitué aux gardes du corps. Moi, j'ai fait la guerre. Aux gardes, je peux leur parler. Enfin, on a quand même un document. C'est quoi, je tue quand même au cas où. Après, c'est potentiellement d'anciens soldats. Hein. Ouais, je le suis quand même. Bon, du coup, nous, on fait une belote avec. Vous faites EO du gardien. On boit une bière, putain. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, toi, t'as une flasque d'alcool si tu veux. Tu peux boire. Non, pas pour l'instant. Ah oui, attends, il y a le pack de bière. Attends, je prends le pack de bière. Et prenez le tableau aussi. Fin... Non, le tableau c'est pour la meuf. Ah oui, on prend le pack de bière pour les gardes. Là, vous êtes en train de réunir à peu près toutes vos pièces pour essayer de. N'oublie pas, Clifford, que t'as un pistolet si jamais ça dérape. Ah, j'ai un pistolet moi. Ouais, t'as un Xiao aussi, t'inquiète. Donc, bon, vas-y, parle. On sonne. Non, on sonne. Alors, vous sonnez. Je sonne. Oh. Alors, vous sonnez, y a très peu d'attente. Il y a directement un gardien qui était pas très loin, qui arrive vous voir et qui vous dit « Oui, bonjour, c'est pourquoi ?» Il est assez baraqué. Hein. Il a de très beaux vêtements, il est assez baraqué. Tu peux penser qu'il est pas très très loin de toi, Xiao Tong. Ah ouais. Sauf que tu vois déjà qu'ils sont à peu près 5 et ceux qui sont visibles. Ça se... Sans problème. Ils sont peut-être armés. Et ils sont peut-être armés. Sans problème. Tant qu'ils n'ont pas de bazooka. Il y a des chiens et bon, retiens-toi. Je les mange, les chiens. Calme-toi. Ah, c'est un conseil du MJ, ça. Qu'est-ce que vous faites ? Ils nous parlent, ils nous disent qu'est-ce que vous voulez, des trucs comme ça. Là, il y, y en a un qui vient en avant, qui est plutôt poli et qui te dit oui, bonjour, c'est pourquoi. Bonjour, nous voudrions nous entretenir avec Madame Carlyle. Nous avons des documents qui lui seraient, à mon avis, d'un grand intérêt. Et nous avons également un cadeau à lui transmettre. Je suis Clifford Cooper. Clifford Cooper, je sais pas si pour l'instant elle a pas. Il n'y a pas de liste avec des personnes. Je ne crois pas que vous y ayez pris rendez-vous. Non, en effet. Voilà. C'est que c'était pas prévu. En fait, on enquête sur l'expédition Carlyle qui a disparu. Du coup, forcément, ça attend pas forcément à notre visite là dans l'immédiat. Mais vous les informations. Sur l'expédition Carlyle. Exactement. Mais les informations qu'on a eues, bah, faut lui transmettre. Elles sont importantes. Du coup, il est nécessaire qu'on la voie au plus vite. Je sais pas si elle va beaucoup s'intéresser. Vous savez que là, ça fait au moins 5 ans qu'elle a déjà envoyé, qu'elle était elle-même essayée de résoudre cette enquête sans succès. Donc, c'est possible. Pas... Mais nous avons des nouvelles informations. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste lui transmettre cette lettre qui est adressée à Monsieur Carlyle et ensuite qu'elle revienne vers nous après. On a aussi une œuvre d'art pour elle. T'es pas là, toi. Alors, je vais lui transmettre la lettre, vous fournir vos noms. Si elle vous connaît, oui. Mais si elle vous connaît pas, je ne crois pas qu'elle reçoit des rendez-vous. Mais bon, je vous promets rien. Ouais, attendez, je prends juste quelques notes sur cette lettre, excusez-moi. C'est possible qu'on les renvoie jamais. Mais vous voulez pas qu'on vous accompagne à aller la voir, juste nous deux, à la rigueur. Elle ne reçoit personne. À moins que vous la connaissiez ou vous voulez que je lui transmette quelque chose. On la connaît bien, mais on peut en parler qu'avec elle. Non mais c'est de l'ordre privé, monsieur. Si n'importe qui vient et me dit « je veux lui parler », c'est dangereux, vous comprenez. Question de sécurité, on peut pas se permettre de telles choses. D'accord. Oui, mais nous avons un cadeau pour elle. Vous me le passez, je lui transmets. Pour vous aussi, on a un cadeau. Alors, rappelez-moi de donner votre nom, comme ça je lui transmettrai vos amitiés. Ouais. Alors, moi, je suis Xiao Tong, je suis un combattant chinois. Vous avez dû me voir dans des tournois. Je suis assez connu, au final. Peut-être. Donc, je vous remets cette lettre. Attendez, je réfléchis un peu. Xiao Tong. Je regarde pas tant de trucs de combat. J'en fais, mais j'ai jamais spécialement regardé les combats. D'accord. Dans quelle discipline? Kung Fu. Ah, moi, je suis plutôt Krav Maga, c'est pour ça. Ah oui, mais... Oh, c'est pas la même chose. D'accord. Justement, on devrait bien s'entendre dans ce truc, en fait. Oui, bah là, je suis en service. Je ne peux pas. Ah, et quand même, tenez, au cas où, voilà, c'est un petit pack de bière. C'est un petit cadeau. C'est de la Heineken, ouais, super. Ouais. C'est toujours mieux quand même. Il te regarde vraiment, vraiment bizarrement. On est comme ça, nous, les Chinois. On offre des bières aux gens qu'on aime bien. C'est une coutume, faites pas attention, monsieur. Ah, c'est une coutume, c'est gentil. Il prend le pack, il regarde et. Je vais le poser là et j'irai le chercher plus tard. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, transmettre cette lettre à Madame Carlyle? Très bien. Alors là, il vous prend la lettre. Il y jette un œil pour voir s'il n'y a quand même pas des insultes, etc. Si je le tabasse, il y a d'autres mecs. Non, tu tabasses pas rien du tout, toi. Il lit. Puis ensuite, il dit... Bon, bah, très bien. Vous restez là et je reviens à vous après. Oui, bien d'accord. Sûr. D'accord. Bon, t'es bien. Vous voyez quand il passe, c'est un deuxième portique. Il y a les chiens qui sont en train d'aboyer. Oh, à manger. En train d'aboyer au niveau du deuxième portique. Il part et vous restez là un instant. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Alors, on va discuter avec les autres. Garde. Hein? Je m'adresse à un garde. C'est une bonne situation, ça, à garde. Il te regarde et il dit. Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Mais vu mon salaire, c'est plutôt une bonne situation. D'accord, très bien. On a donné le tableau au mec, hein, c'est ça? Oui. Oui. Et du coup, moi, pendant qu'ils sont en train de faire ça, et que j'ai vu que ça n'avait pas l'air de très bien se dérouler, je regarde un peu la propriété, je regarde la clôture, tout ça, vu qu'ils ne savent pas que je suis là, ni Jacob au final. Bon, on regarde un peu, voilà, j'essaie de fouiner un peu dans les alentours, voir. On est voir ce qui se passe. S'il n'y a pas des petits failles dans la clôture. Ouais, une brèche. Voilà. Tu peux me faire un jet d'observation si tu veux. Bah, je fais aussi. On est deux à le faire. Du ouais, coup. Pendant ton jet, il y a l'homme qui revient un peu plus tard. C'est quoi observation? Trouver objet caché. Ah, mon ami PNJ. Donc là, il revient. Mon deuxième ami PNJ. Ouais, c'est ça. Toi, t'as plein d'amis PNJ. C'est ça. Il a encore la lettre dans la main, tu le vois, Clifford. Il a toujours ta fameuse lettre dans la main. Et il te dit bon, alors, elle vous connaît pas. Elle vous a jamais rencontré. Ça, c'est normal. Jusque-là, c'est normal. Elle a pas très bien compris pourquoi vous lui offrez le tableau. Peut-être que c'est en référence à. Aux expositions. C'est pour se faire bien voir, parce qu'on sait qu'elle est amatrice d'art. D'accord. Il dévoile ton. Tu dévoiles ton plan, mais c'est pas grave, sinon. Oh, c'est beau. Bref. D'accord, ah oui, bah c'est très gentil. Oui. Nous sommes des honnêtes citoyens. Du coup, pouvons-nous rencontrer votre maîtresse? Par contre, cette pièce, alors il y a quelques questions dessus. Où est-ce que vous avez trouvé cette fameuse lettre? Je ne sais pas si on a le droit de vous en parler, c'est quand même de l'ordre de la police privée. Après, elle connaît Farage Nazir. Elle l'a déjà croisé. Est-ce qu'elle ne veut pas nous rencontrer plutôt pour que nous puissions te parler de ça? Ça serait plus simple. Une tasse de thé, enfin, de café, si elle veut nous le faire. Faites-moi tous un jet de crédit, s'il vous plaît. C'est l'argent, ça? Oui. Pourquoi faire? J'ai 80 en crédit. Pour info, j'ai fait 6 à mon test d'observation. On va voir si on a de la thune. J'ai fait 23 au crédit. Crédit, moi j'ai 30. Comment faire un jet? Moi j'ai... Alors, t'as 66. Réussi ton... T'as fait une réussite ordinaire pour ton jet d'observation? Non, j'ai fait 6 sur 25. Ah, c'est une réussite extrême, ça? Ouais. Ok, alors là, tu vois clairement, pendant que le monsieur est en train de discuter, qu'il y a une femme à la fenêtre qui est en train de vous observer. Fais coucou. Non, fais pas coucou. Et là, non mais du coup, j'essaie de faire... T'essaies de voir pour les failles aussi, également. Il y a quelques endroits où il y a un passage où vous pouvez peut-être éviter les chiens. Sinon, d'accord. Après, pour les gardes, c'est à voir parce qu'ils se déplacent. Et est-ce que la dame, je la vois juste en silhouette ou est-ce que c'est quand même assez de... Est-ce que je vois un peu son état? Genre, est-ce qu'elle a l'air vraiment pâle ou... Alors, elle est en forme, hein, ça va. Elle est en train de vous observer un peu comme si pour vous... Comme vous pouvez, bah, clairement, vous juger, en fait. Elle d'accord. Est en train de regarder, ah, ça juge, quoi. Est-ce que... qui sait? Elle a l'air assez curieuse. D'accord. Et du coup, est-ce que je peux faire un geste très discret à Clifford pour lui dire un doigt d'honneur pour lui dire de regarder genre qu'on est observé quoi. Ouais, tu peux. Tu lui fais même sans forcément avoir de. Tu es suffisamment loin. Okay. Tu fais un petit geste assez discret, genre un léger coup de coude. Oh, j'ai vu. Et pendant ce temps-là, est-ce que vous avez réussi vos jets de crédit? Non, moi j'ai réussi. Pas du tout. Okay. Bah non, moi j'ai un de crédit. Toi, t'as forcément échoué. Personne, pas personne. J'ai réussi 64. T'as réussi. Et moi j'ai fait 23 sur 70. Deux réussites, deux échecs. C'est assez mitigé, c'est assez tendu. Il n'y a que deux qui rentrent et deux qui restent. Tu la vois à la fenêtre repartir. Ah boy. Pendant qu'elle repart, il y a toujours l'homme qui posait ses questions avec le papier. Est-ce que je peux garder cette lettre? Ça intéresse beaucoup Madame Carlyle. Si ça l'intéresse beaucoup, pourquoi est-ce que nous ne nous reçoit pas? On a plus d'informations à lui donner. Oui, c'est un avant-goût. Oui, oui, plus d'informations. Oui. On peut pas en parler, mais Madame Carlyle, si. Après, elle connaît déjà Faraz Nazir, elle a déjà parcouru beaucoup de terres pour retrouver son frère, qu'elle a retrouvé d'ailleurs. Enfin, non, elle n'a pas vraiment retrouvé, mais on a une tonne de preuves comme quoi il est mort. Bon, écoutez-moi, peut-être qu'elle serait intéressée d'apprendre pourquoi on a trouvé cette lettre qui était adressée à Monsieur Carlyle dans l'appartement d'Elias Jackson. Et qui a tué son mari aussi. Ah ah. On a des pistes. Des pistes sur les personnes qui ont tué son mari? Oui. Attendez. Alors parce que là, il fait le truc. Tu veux essayer de faire un jet de baratin pour le convaincre Ah ouais, non. J'ai persuasion, moi. Ouais, ça c'est bien ça. Persuasé, 60%. Persuasé. Il va persuaser lui. Non, parce que là, il est, ouais, t'es en train de raconter que tu sais, donc c'est à quel endroit exactement. Il te demande où est-ce que c'est, où est-ce que vous avez. Là, Clifford peut reprendre la conversation. Oui. À quel endroit on a trouvé cette lettre, c'est ça Oui, mais après, il disait qu'il y avait des indices sur la mort du frère. Donc, exactement. On a trouvé cette lettre dans l'appartement d'Elias Jackson qui venait d'être saccagé par une secte. Putain, il lance toutes les infos. Ah. D'accord. On a encore plein d'infos. Oui, parce que notre défunt Carlyle on a retrouvé des restes saccagés plutôt. En effet, on a eu l'information. Mais... Donc au Kenya. D'accord. De quoi au Kenya? Je me rappelle plus exactement. Ouais, mais si, c'est ça. Dans une ville, je crois que c'était le Kenya. Ouais. Je le confirme. Il te regarde un peu étrangement, puis il hausse les épaules et il repart. Bon, vous savez quoi, je vais aller revoir avec ces informations. Si vous pouvez me... C'est tout ce que vous avez à me dire, parce que si je reviens et que vous me reparlez, ça commence à me faire chier. Dites-lui qu'on doit lui parler au plus vite. Ça, je lui ai déjà dit, ça. Parce que si ça se trouve, peut-être que sa vie est en danger. Vous voyez un peu toute la sécurité ici. Vous pensez vraiment que quelqu'un serait capable de rentrer? Je suis pas sûr que ça suffise. C'est des sectes quoi qui en ont. Oui, c'est une secte. Ils sont bien nombreux. Et si ça se trouve, il y a peut-être des gardes qui font partie de cette secte. On sait jamais. Je pense que Madame Carlyle est bien plus protégée que n'importe qui sur ces terres. Mais bon. J'espère. Si vous le dites. J'espère. Il soupire, puis il fait bon, je vais lui en reparler. Et on va voir ça. Il repart. Je vais faire une longue ellipse. Enfin, une très courte ellipse. C'est bien. Insulter son honneur de garde, ça paraît être une bonne technique, ça. Et là, il revient et vous voyez une silhouette féminine. Ouais. Le suivre. Putain. Et vous arrivez. Il y a Madame Carlyle qui a l'air de regarder plutôt Jacob et Clifford de haut. Et en train de vous regarder bizarrement. Vous avez raté vos jets de cri. Bah non, moi j'ai réussi. Oui, mais Clifford. Clifford. Ah, Clifford. Ouais. Clifford et. Clifford et Jacob. Je vous prends pour dégueu. Et ouais, c'est presque ça. Elle vous regarde tous les deux bizarrement. Ça a presque raison. Puis, ouais, ça, c'est surtout que c'est le cas. Puis elle vous dit bon, alors. J'ai vu cette lettre, cette fameuse lettre. Je sais pas ce que vous avez en tête, mais. Venir me parler d'une telle chose du passé, c'est pas quelque chose que j'apprécie grandement. J'espère que vous avez de bonnes explications. Oui, James va vous en dire plus. Du coup, je m'approche, je dis avec les manières et tout, je fais bonjour madame. On vient vers vous suite à d'immenses révélations qui ont lieu dans l'affaire du tragique destin de votre mari et de son expédition. On a été récemment pris comme cible par une secte étrange. À ce qui paraîtrait, ce serait une secte millénaire qui. Des chauves-souris. Oui, qui vénérait un genre de dieu chauve-souris. On est venu tout de suite vers vous pour avoir le maximum d'informations de votre part. Si vous voulez bien nous les partager, je sais que c'est des souvenirs qui sont très très douloureux, mais. Mais je pense qu'on a là l'occasion de les arrêter une fois pour toutes et que le tragique destin de votre mari ne se reproduise pas à d'autres. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais votre mari, enfin c'est pas qu'il enquêtait, mais il faisait des recherches sur cette secte aussi. Bah, l'expédition Carlyle, vous devez connaître plus que nous. Oui, j'ai même été jusqu'à chercher certains membres, mais bon. Ben, cette secte, elle est là, elle est bien présente. Et du coup, si vous avez des infos... Tout comme nous, du coup. Ouais. Si vous avez d'autres infos à nous communiquer, ce serait vraiment. C'est qui lui? Désignant évidemment Jacob du doigt. C'est notre serviteur. Attendez. On a tous des serviteurs. J'ai le dialogue pour ça. C'est ça votre. C'est un majordome ça? Non, serviteur. Madame, laissez-moi vous l'introduire. Voici Jacob Moon. C'est un noble garçon que j'ai pris sous mon aile suite au décès de son maître millénaire. Il n'avait point le sou, alors j'ai décidé de le recueillir sous un programme de réinsertion dans la société. Pour l'instant, je lui apprends la vie en lui donnant le moins d'argent possible pour voir comment il se débrouille. Moi, je lui jette un regard noir quand je l'entends dire ça. Fais-moi un jet pour. T'as le droit de lui tirer une petite flèche. Hein. Ça peut être baratin, ça peut être persuader. Je suis nul moi en baratin, mon gars. J'ai quoi, attends, j'ai. Ah bah, j'ai persuasion 10%, s'il te plaît, quoi. Putain, t'es mauvais, Jack. Ah ouais. T'es mauvais, Jack. Allez. Ah bah, j'ai fait 77, ça passe. Attends, pour combien? Pour 10%, ça passe. Ah bah. Ouais. Ouais. On est, vous êtes toujours sur Indestar, y'a pas de problème. Tu regardes bizarrement et fais mouais. Puis là, tu la vois en train de se croiser les bras. Ce qui est mauvais signe. Oui. Personne a quelque chose à rajouter? Si, bah moi je m'approche et je lui explique. Oh boy. Bah non, mais c'est bon, ça marche pas. Alors tu vois qu'elle essaye d'esquiver ton haleine. Je vais... Oui, bah alors je lui parle de loin. Non, bah, je lui explique que voilà, je suis quelqu'un qui a vécu dans la forêt, mais que j'essaie de. D'accord, j'ai très bien compris ça, j'ai très bien compris. Mais, On peut le laisser à la porte si vous voulez. Hein, c'est pas... Il peut très bien partir du moment, oui. D'une seconde à l'autre. Faites pas attention à lui, concentrez-vous. Peut-être, si. Je sais pas, oh, bah, ça va, j'ai compris, je me casse. Tu pars vraiment? Non. non, mais après, je lui explique que moi aussi j'enquête sur son. Sur l'expédition de son mari et puis peut-être quoi, juste une troupe de d'enquêteurs. Oui, c'est exactement. Ça. Exactement. Nous sommes des investigateurs qui enquêtons depuis des sombres événements qui nous sont arrivés. On travaille en partenariat avec la police de New York. Oui, et en fait depuis que des sombres événements paranormaux, je dirais, nous sont arrivés, nous enquêtons sur toutes les enquêtes paranormales qui ont lieu. Vous me connaissez peut-être d'ailleurs, je suis j'ai énormément travaillé avec la police. J'étais un criminologue de renom pendant des années. Bon, là, j'ai un rendez-vous d'ici quelques minutes à peine. Donc, il va falloir être très, très bref. Hein. On va... Soyez bref. Voilà, j'ai plus beaucoup de temps. Si vous avez quelques questions ou quoi que ce soit, on passera peut-être. Alors, je l'ai déjà dit. Peut-être, si vous voulez avoir vraiment des informations, peut-être lisez des vieux journaux. Monsieur... mon frère... Monsieur Carlyle... Il a décidé de faire des enquêtes, comme vous le savez sûrement. Il est parti dans plusieurs pays. On l'a retrouvé saccagé. Enfin, on a trouvé tous ces majordomes saccagés, morts. Il y a eu c'est les membres. La police locale qui l'a suggéré comme mort. Je vous apprends rien. J'ai rien à vous apprendre de toute façon. Là-dessus, non. Mais c'est les membres de la secte du cul de la chauve-souris. Ça, c'est sûr à 100%. Alors c'est ce qu'on disait à votre garde, faites attention, c'est jamais... Ça c'est des rumeurs, ils sont sûrement tombés sur un espèce de non, gang. Non, madame. C'est pas des rumeurs, on a des preuves. Je mets mon honneur en jeu, je vous assure qu'il n'y a aucun doute sur le fait que ça soit la secte dont nous vous parlons, qui est à l'origine de tous les méfaits. Exactement, il a pas eu de chance, il est tombé sur la secte, non, il est mort. Non, ce n'est pas de la chance. Ça va plus loin que ça, parce qu'il se trouve que récemment, il y a une autre personne qui est décédée suite à cette secte. Oui, bah évidemment, il y a des morts à cause des sectes, comme la mafia, il y en aura, monsieur. Oui, mais c'est parce qu'ils enquêtent tous sur cette fameuse secte. Qu'est-ce que vous savez sur la mort de votre frère, si je peux me permettre? Qu'il a été retrouvé au milieu d'un incroyable carnage, mais c'est la police locale qui l'a trouvé, je l'ai pas vu de mes yeux. C'était où? Je ne sais plus exactement où c'était, mais lisez les journaux, hein, vous savez quoi. Vous connaissez un certain Elias? En fait, vous la sentez assez exaspérée. Et là où elle commence à avoir envie de se barrer, plus ça va, et plus elle met court aux conversations. Est-ce que vous connaissez un certain Elias? Non. Non? Elias. Je sais plus son nom de famille. Jackson. Non, alors là, vous confirme que non. Pourtant, il a été assassiné lui aussi par le culte, là, récemment. Donc c'est pour ça que le culte... Son activité n'est pas finie, faites attention à vous. On sait jamais. On vous recommande vraiment de doubler la sécurité et de faire attention à ce qu'aucun garde soit... Dans ce culte. Et là tu sais, je me rapproche d'elle vraiment en chuchotant qu'aucun garde soit passé du côté de la secte. Même si lui est très sympa. Il casse tous mes effets. Garder les bras croisés et vraiment... Bon, elle regarde sa montre et là elle dit bon bah vous savez quoi, je suis désolé, je ne peux pas rester plus longtemps avec vous, même si Je sais qu'on pourrait parler longtemps de ce genre d'affaires. J'ai un rendez-vous très important et je pense que là, ça doit être l'heure. Vous nous contactez si jamais vous avez besoin d'aide. Tout ou... à fait. Voyez avec mon majordome. Vous savez quoi, voyez avec c'est qui là, c'est le mec. C'est le mec de tout à l'heure. Enfin, c'est, ah, c'est un majordome. Ah ouais. Non, enfin, c'est un garde, mais ah ouais. il fait tout. Il fait tout. Le jardinage. Vous le... avez qu'à voir avec Joey. Puis vous voyez l'homme. Qui s'appelle Joey. J'ai plus envie d'être ami. Et qui est à la caisse. Et là, elle tombe des talons, elle repart. Et, elle part d'un pas assez pressé. Est-ce que je peux faire un. Non, parce qu'avant de passer à la suite, on va écouter Audrey dans sa bulle de cool. Ça va être cool. A tout de suite sur Indestar. Bienvenue dans un monde fantastique. On va vous enrôler dans la folie sur Indestar. Tout à fait, de retour d'enrôler dans la folie. Et Warl remet sa capuche et on repart à l'aventure. Oh yeah, bébé. Donc, vous avez tenté de discuter avec Madame Carlyle. On a réussi. Tenté, ouais, c'est bien. Ça... Et, je dis, elle cache des trucs. La on, laine... on y retourne ce soir, on la braque avec un flingue. La oh, laine non, totalement alcoolisée de James... l'odeur parce que Jacob, je sais pas quand est-ce qu'il a pris sa douche la dernière fois. Mais il n'en prend pas. Mais moi j'ai réussi tous mes tests. Ça va être ça. À oui, part oui, le oui, baratin, c'est pas RP. Vous avez poussé Madame Carlyle, il a trouvé un faux prétexte pour partir et pas vous parler. Ah, oh, c'était un faux prétexte. Bah oui. Ça se trouve. Bah oui. C'était un bon compris. Oui, ah, mytho, mytho. Il comprend pas tout, Xiao, c'est pas sa faute. Au cas où, si vous avez pas deviné, c'était effectivement un faux prétexte pour se barrer. Ah bah attends, j'ai rappelé son garde. Non, on va la laisser tranquille. Pas, elle va nous lâcher les chiens à la gueule, c'est ça. C'est pas grave, je les mange, les chiens. Non. Dans mon pays, bref. Là, il y a le majordome, donc son nom est Joey. Oui. Ouais, salut Joey, ça va et qui fait... Oui. Ouais, bah ça va. Merci pour le cadeau. Ouais, de rien, ça fait plaisir. Bon, je pense que Madame Carlyle a des choses à faire. Dit-il avec un sourire en coin. Comment on peut vous recontacter ou vous nous recontacter par pigeon voyageur hein, c'est comment ils vont? Bah, on retourne les voir. Bah, par téléphone. Il y a le téléphone. Ah oui, c'est vrai, par téléphone. Je peux vous fournir le numéro de Madame. Bah sinon, si vous prenez une standardiste, vous pouvez réclamer peut-être... Si vous avez le numéro, c'est... La résidence Carlyle. C'est pas des numéros, c'est des résidences. C'est ça. Après, pour avoir la résidence Carlyle, il faudrait... attendez, déjà, je vous redonne ça, parce que je vous redonne votre papier. Merci. Il faudrait dire que c'est... votre nom, on va le noter sur un papier et comme ça, ça éviterait que. Le nom de notre groupe d'enquête peut-être. Peut-être, oui, peut-être. Je noterai comme ça. On n'a pas de groupe. Non, on va donner le nom. Si. On a un nom. Non, on va donner le nom de Clifford, c'est bien. Les Revengers. Clifford Greenwald. Gros, tu le sais, Joey. Clifford, d'accord. Très bien. C'est nul comme nom. Là, tu vas en train de noter sur un papier. Donc si on nous appelle au nom de Clifford Greenwald, Cooper, je sais pourquoi ce serait. Greenwald. Pas Cooper. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Sinon je vais vous demander de vous éloigner un peu des lieux. À la tienne. Au revoir. Merci beaucoup pour cette entrevue. Passez toutes nos salutations à madame. Oui, merci. Désolé que ce soit aussi court. Elle avait l'air d'être occupée. Et puis, Nous comprenons totalement. Oui, tout à fait. Nous sommes déjà très occupés. Je vous remercie en son nom concernant votre présent que vous avez fait. Merci. Merci de nous remercier. De nous remercier. Oui. Et hocher la tête pour vous remercier une fois de plus. Merci pour ce hochement. Puis se retourne pour faire autre chose. Bon, allez, on se boubou, les gens. Et du coup, on va où? Aux archives de la ville. Ouais. De Westchester. Bah, de la ville, peut-être pas. Peut-être plus de. Je sais pas, vous devez bien avoir. Dans une les bibliothèques, ils gardent des archives. Hein. Bah, ou la presse du journal directement. Au journal. Putain, on est con, on aurait dû demander aux gardes. Mais non, mais il y a les archives de la ville, ils gardent tous les journaux. Pas forcément. C'est là plus là. S'il y a un bâtiment dédié à la presse, c'est eux qui vont garder tous les. Mais c'est privé, on pourra pas y accéder. Bah, on est enquêteur. Oui, ça s'est très bien passé actuellement. On a un badge et tout. Ouais, bah écoute. écoute. Ça fait comme les cartes de presse et la politique actuelle. Hop, on arrête là. Eh bah écoute, je sais pas moi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'il y a une presse déjà dans la ville? Une presse, une imprimerie, un bureau de rédaction. Joey. Voilà, un bureau de rédaction. Joey. Ah ouais, il se bat. Bon, Joey. Joey qui était en train de faire deux trois trucs. Et là, il revient, il fait qu'est-ce qui se passe encore? Désolé de te déranger. Juste comme ça, à Westchester, il y a des archives ou une bibliothèque ou une presse? Un journal. Ou un journal. Réponds, crevé. Non, je dis pas ça. Il est en train de lancer le dé pour savoir. Ok. Putain, la chance. Ça dépend ce que vous cherchez exactement. Un journal. Je suppose que c'est encore des informations sur. Sur Carlyle, oui. Ouais, Carlyle. Je sais pas s'il y a encore des affaires dans les bibliothèques alentours. Peut-être que oui, au niveau de... J'ai pas été faire des grands tours aux bibliothèques, mais je pense qu'il doit bien en avoir une au niveau du centre-ville. Peut-être, effectivement. D'accord. Mais je sais pas s'il restera des documents, par contre, à l'intérieur. Pourquoi elle a cramé? Elle avait brûlé, oui, à un moment donné. Ah bah c'est pratique, ça. Pourquoi j'ai dit ça? Ok, très bien, merci beaucoup. Okay. On s'en va pour de bon cette fois. Au revoir, Joey. Ouais. Salut, Joey. Hein. Cette fois-ci, pense à boire les bières. Cette fois-ci, il reste au bord pour vous regarder partir. Il vous regarde un peu avec insistance. Est-ce que juste on peut faire un point HRP sur l'objectif qu'on a là actuellement en fait avec toutes ces infos de Carlyle? C'est quoi HRP? Hors roleplay. C'est vrai que c'est mieux pour nos auditeurs. En RP, enfin RP c'est roleplay donc c'est. Oh, c'est même mieux pour les joueurs qui savent pas ce que c'est HRP. Ah c'est sûr. C'est, en gros là c'est qu'on sort de ouais, l'histoire. On parle hors jeu de rôle. Donc on peut s'appeler par nos vrais prénoms. Oui, mais oui, voilà. Ça dure deux minutes. Hein. Non, c'est juste voilà, qu'est-ce qu'on veut avec toutes ces informations sur Carlyle au final? Eh bah, ben apprendre comment il est disparu, qu'est-ce qu'il cherchait à ce moment-là. Bah non, c'est pas enquêter sur le culte. Oui, le culte. Parce que c'est des connards, ils ont tué Elias, on veut les buter, non? Parce que là, le truc, c'est que j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment avoir d'informations avec cette ville, quoi. Parce que là, on voit que la sœur est pas du tout au courant qu'il y a un culte. Les journaux vont pas avoir plus d'informations. Si elle est au courant qu'il y a un culte, ils vont lui apprendre. Si elle le savait. Non, elle le sait. Si elle nous a c'est dit. Juste qu'elle considère que c'est pas important. Il y a des cultes, il y en a tous les jours. Enfin. Non, c'est quand on lui a dit, ouais, mais votre mari, il a été tué par un culte. Elle a fait, oui, bah peut-être, mais de toute façon, ça change rien à la situation. Elle a pensé que c'était un gang, une bande de racailles ou un truc genre qui avait fait le truc. Enfin, après, elle avait quand même vachement insisté sur le fait de regarder dans les vieux journaux. Ouais, d'accord, mais je sais pas trop ce que ça rappelle plus. Bah, je pense que c'était surtout pour nous envoyer balader. Hein. Ah bon? Bah moi je pense pas. Perso, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Lui aussi, il est en HRP? Bah oui, on est tous en HRP. Là. Ouais, allez. Du coup? Non, bah lui, bah y'a pas de. Il va pas te donner la réponse. Ah non. Non, mais ouais. Spoil, t'es Batman. Spoil, elle avait parlé d'infos, mais elle vous a sacrément envoyé chier. Elle avait parlé d'infos? Elle en avait plein, mais là, elle vous a clairement envoyé chier. Elle avait plein d'infos. Je crois que là où vous êtes un peu blacklisté de sa tête, elle en a. Et puis là, franchement, je sais pas trop ce qu'on peut vraiment avoir. Bah, vous pointez en mode un peu dans la ville et slash dans ce pays en fait. Qu'est-ce qu'on peut vraiment avoir de plus comme info? Parce que moi, une info que j'ai eue, c'est que elle disait en gros, elle parlait de que c'est la police locale qui leur a dit la disparition machin de son mari. C'est enfin, de son frère. Et le truc, c'est que ils l'ont pas constaté par eux-mêmes. Donc peut-être que si vous sur place, les flics sur place ont peut-être été corrompus ou quoi que ce soit. Alors vu qu'on est en HRP, Clifford est censé avoir un document qui parle de ça. De quoi? De la mort de Carlyle? En fait, avant le jeu de rôle, je vous ai passé des documents. Et toi, Clifford, non, je crois. Enfin, je sais plus si c'était toi, mais il y en a d'entre vous qui a un document qui parle justement de l'expédition retrouvée. Ah, de Carlyle, oui, Ouais, ouais, t'es censé avoir les documents. Si tu les as pas, si, c'est que tu les as oubliés ou perdus, tant pis. Oui, bah j'ai... Ah. Expédition Carlyle embarque pour l'Angleterre, ça, t'en penses pas? Peut-être. Je pense pas que ce soit celui-là. Ah bon? C'est retrouvé. Retrouvé? Expédition retrouvée. Mais bref, du coup, là, qu'est-ce qu'on va? On fait quoi? On va... On va à la bibliothèque, même si pour une nouvelle fois pour avoir des infos sur l'expédition. On va pas à la bibliothèque là. Si, aux archives. Presse, journal, archives, bibliothèque, tout ce qu'il y a avec du papier. Joey nous a conduit vers une bibliothèque. Bah, on va rien trouver à la bibliothèque. Enfin, je... si. Bah, c'est là où il nous a dit qu'on pouvait avoir des infos. Ouais, vous avez un peu envoyé chier. Non, il a dit. Non, c'est toi qui a demandé. C'est toi qui a demandé s'il y avait une bibliothèque. Enfin, elle vous... non, elle vous a envoyé chier. En vous disant, allez, je sais pas, chercher dans les journaux. Ouais, voilà. C'est... Lui, il vous a dit. Enfin, après, vous lui avez demandé si c'est une bibliothèque, et lui, il vous a dit, il va y en avoir une, mais je sais même pas s'il y a encore des infos. Ouais, voilà. Elle avait brûlé à un moment donné. Parce que c'est un tas de muscles, c'est pas intéressant. On voit pas ce qu'on peut faire. Ouais, mais alors après, dans ce cas-là, on va où ? Autre part. Quel est notre objectif ? Vous avez plein de possibilités en vrai. C'est ça, c'est quel est l'objectif là actuellement ? Alors, on pouvait prendre un tank et essayer de rentrer. Non, je déconne. On peut aller en Chine. Me tente pas. Ouais, pour faire quoi ? Ah, voilà. Pourquoi la Chine ? Pourquoi la Chine ? Où et pourquoi ? La Chine, c'est grand la Chine. Il y a pas de, il y a rien en Chine. Si, il y avait une raison d'y aller, mais laquelle ? Oh, bah la boîte d'allumettes. Ah, vous avez qu'à suivre. Ah, non, il faut aller au Caire aussi. Il y a le Caire. Moi, c'est le Caire qui m'intéresse le ouais, plus. Ouais, mais on va où au Caire ? On va voir Faraz Nagir. Ouais. Il est où, contact de Monsieur Carlyle. Il est où, Faraz Nagir ? Il y a son adresse dans la lettre. Oui, mais c'est grand le Caire. Rue des Chacals. D'accord, ok. On a l'adresse. Bah, c'est bon, si on a, bah, si on a l'adresse. Non, la rue, bon. Quoi, mais... C'est ça qui me. Ouais, parce qu'on parlait d'aller au Caire, en Chine, au machin, au truc, mais on n'avait pas d'adresse en fait. Après, ouais, au Caire, ce qui est intéressant en plus, c'est aussi que c'est, on sait de sur ce sûr que c'est là-bas qu'est né le culte. Le culte chauve-souris, ouais. C'est là-bas que c'est né, donc on peut avoir des. C'est pour ça qu'il est parti là-bas en expédition. Ok, donc, d'accord. Donc soit on peut, voilà, on peut aller directement, on peut aller là-bas. Après, sinon on peut aller au Kenya aussi. Bon, c'est là où qu'il est mort. On a pas été retrouvé mort. C'est là où. Non, c'est là où le culte a été exilé. Donc ouais, là, on a vraiment rien en fait. Là, sur le Kenya, pour l'instant, Kenya, on a rien. Pas des masses. Ouais. Après, au niveau de l'Amérique, je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus. On s'est fait envoyer bouler par notre meilleure piste. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est le Caire première solution. En Amérique, il y a l'enterrement. Oui, il y a l'enterrement. Il faut partir qu'après l'enterrement. Ouais. C'est ce que je viens de dire. De toute façon, Clifford ne nous laissera pas partir, je pense, sans que. Non, j'irai. Sans branle. Moi, je partirai pas avant. Ok, bon, je pense qu'on est pas mal sur le point là. Il faut trouver un choix là. Vous pensez et bah, du coup, rentrer un peu bredouille de chez. Ouais, là on est un peu deg, j'ai perdu 3000 balles pour rien. Donc du coup, je pense qu'on fait ça. On rentre à New York. Ça serait déplacé que moi ou Xiao ou Jacob aille à l'enterrement quoi, parce que on le connaît pas le mec. On est des potes de Clifford. Ouais, enfin, on le connaît pas. Puis on enquête aussi, parce que si on va à l'enterrement, c'est pas uniquement juste pour aller à un enterrement. Ouais, mais tu vas pas à un enterrement pour enquêter, enfin. Ah. Surtout que tu connais pas le mec, quoi. Moi, je le connais, donc. Qui faut justement se permettre. Vieille, moi. Se permettre, justement. Toi, tu vas à l'enterrement parce que tu connais le mec et tout, mais nous, on le connaît pas. Ouais, tout à fait, je comprends. Il y a peut-être des gens intéressants. Oui, mais le pouilleux, on l'emmène pas. Xiao, je te connais, tu veux juste les mini-fours du buffet. Ouais, mais le truc, c'est que c'est malvenu de venir à un enterrement alors que tu connais pas la victime. Ouais, mais eux aussi nous connaissent pas. Oui, enfin bon. Au final, ça sert à raison de merde. Clair. T'as jamais été à un enterrement que tu connais pas ? On peut faire autre chose en fait. Comme ça, tu peux faire autre chose. T'as jamais été manger les petits fours dans un enterrement que tu connais pas ? Bah ouais, c'est clair. Putain, c'est un truc. Je fais ça tous les jours. Bon, donc, Clifford va à l'enterrement. Toi, tu vas à l'enterrement ? J'en sais rien maintenant. On me fait chier. Bah, dis ce que tu veux faire. Dans tous les cas, vous prenez la route en direction du sud et vous êtes en train de discuter dans la voiture. Voilà. Pendant que Clifford y va à l'enterrement, nous, on peut aller voir aux journaux. Comme ça. Ah non, c'est pas la même ville. Ah bah, je préfère l'enterrement du coup. On peut aller au journaux à New York si tu veux, mais. Bah oui. Okay. Je te suis, je te servirai de garde du corps. Ok. D'accord. Voilà, nous du coup, on va aller enquêter dans les journaux. Et en même temps, si on a un peu de temps en plus, je pense. Parce que je sais pas trop lire. Aller dans les bas-fonds, ça peut être intéressant de la ville. Et les petits fours. On fait ça. Donc, ça marche. Là, et après, on ira en Égypte. Comment ça se passe là ? Vous êtes en train de. Là, on rentre à New York, à l'hôtel. Et après, Clifford et Xiao vont à l'enterrement. Et nous deux, on va aller dans les journaux, voir si on peut enquêter par-ci par-là et dans les bas-fonds aussi de la ville. Alors, vous. Petite question, il y a la radio dans la voiture ? Ah non. Si, il y a la radio parce qu'on écoute cette machine. C'est le branle-bas de combat. On va vous enrôler dans la folie sur Indestar. Tout à fait, on est parti pour une tranche. De jeu de rôle. Eh oui. Alors, sur cette note musicale à la radio, à la vieille radio dans la voiture, L'étrange petit groupe qui s'est formé était embarrassé. Il ne savait pas trop exactement par où. Ils étaient un peu désorientés. Le groupe était assez désorienté. Ils ne savaient pas trop par où aller. Mais une chose était certaine. Ils allaient assister à cet enterrement. Ils arrivent à l'hôtel Chelsea. Il est 19h. Que faites-vous ? Elle dort toujours, ta femme ? Attends. Oui, je l'entends, elle ronfle. Ouais, bref. C'est grave comme maladie, en vrai. Elle peut dormir pendant combien de temps, comme ça, d'affilée ? Une semaine, au moins. T'inquiète pas. Ah, ouais. Une semaine à 7 mois, c'est comme les ours. C'est chaud. Parce que si on part après l'enterrement, enfin, le lendemain, on l'emmène quand même ? Oui, on l'emmènera. Même dans cet état ? Oui. C'est compliqué de la traîner dans l'avion, quand même. Tu peux poser des questions. On peut peut-être la mettre dans la valise. On verra. Ouais, on paierait un billet en moins. On verra. Bon, c'est vrai que ça fera moins cher dans la soupe. C'est clair. Est-ce qu'il y a toujours un bureau de tabac ouvert, un bureau de presse ouvert dans la ville ? Quand même, de prendre un journal. 19h, ça peut être compliqué. Bah, ils reçoivent pas le journal À l'hôtel, ils reçoivent le journal à l'hôtel, sinon. Ouais, je vais vers l'aubergiste, là, le... Tavernier, majordome, le majordome. Comment Et moi je veux le gérant de l'hôtel, le réceptionniste, l'accueilleur. Oui, voilà, le réceptionniste. Moi je vais au bar. Pour changer. Bon, bah, c'est la nuit, il dormira bien. Encore. Moi, j'ai été vexé qu'on me dise que je chante mauvais. Je vais à la douche. bah non. C'est vrai pas que ça, si ça se trouve, c'est toi qui as fait tout foirer avec ton odeur. Voilà. Ça se trouve. Ah bah, il y a moyen en plus. Donc je me dirige vers l'accueil et je dis au réceptionniste... Tu restes dans la voiture la prochaine fois. Bonjour monsieur le réceptionniste, je voudrais savoir si vous pourriez me fournir un papier imprimé de type journal d'aujourd'hui. Genre le journal. Ouais. C'est compliqué, dis donc. Alors, sur le côté, il y a une petite salle d'attente et dedans, il y a toujours le journal... local. Putain, mais je pense que le réceptionniste, à force, il doit être blasé de nos questions à la con quand même. Ouais. Bah, bonjour, je suis dans un bar, est-ce que je peux boire un verre? Et, bon, bah, je vais prendre un journal et puis je lui jette un regard noir parce que je suis pas joisse. Il a ses règles pour le moment, laissez-le tranquille. Alors, tu prends le journal, tu commences à le feuilleter. Tu as les obsèques. Oui. Quand tu regardes au niveau des obsèques qui parlent du lendemain. Midi. C'est midi et c'est où ? Midi et demi. C'est au cimetière du coin. Non, mais ouais, c'est le cimetière du coin. C'est un cimetière au centre-ville. Il a pas vraiment de nom en particulier. D'accord. Mais c'est le cimetière de New York. C'est New York. Ouais, voilà. Voilà. C'est bien ça. New York. Non, mais c'est vrai, c'est pas. Il n'y a pas de nom particulier à ce cimetière. C'est cimetière, quoi. C'est le. Ouais. C'est... Chauffeur, ça, conduisez-moi au cimetière. Okay, cimetière, c'est cimetière. Bah, le New York Cimetière, quoi, tout simplement. Okay. Je regarde les. Aux actualités, t'as pas grand-chose. Mm-hmm. Ça parle de politique en ce moment. Quelques Trump. Crashs. Quelques quoi ? Quelques crashs en voilà. Quelques accidents des crashs d'avion, oui, d'avion d'Égypte à Amérique. Ah oui, quelques crashs d'avion. Tu as un peu de politique en Italie aussi. Où, y a Mussolini. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai. Il y a quelques histoires avec Mussolini. On va assister à la Seconde Guerre mondiale. Ah, mais attends, on n'est pas en 1920 ? Bah, si. Oui, justement. On est en 25. Oui. 25, hein, c'est 25. Oui, 25. Ah ouais, on est. Donc c'est en. Post. Bon, bref. Ok. Donc tu as quelques informations là-dessus. Mais il n'y a pas quelque chose de très très concret en là-dedans. Okay. Bon, moi du coup, je suis au bar. C'est toujours le bar du. Ouais, le même avec le même barman. D'accord. Et du coup, bon, genre, Là, je suis avec lui, je fais ah, ça va et tout. Et dis-moi, il y a des trucs spéciaux, bizarres qui sont passés pendant que j'étais pas là. Qui t'a dit qu'il t'aimait pas ? Enfin, qu'il t'aimait ? Bah, il m'a filé son alcool perso et tout. Mais si à partir de ce moment-là, il m'aime pas, il y a des problèmes là. C'est vrai. On a bu ensemble et tout, hein. Ouais. Donc là, il te dit j'ai pas vu de choses étranges. Parce que je suis resté un peu dans cet hôtel, j'y reste tout le temps. T'as entendu des bruits un peu étranges en ce moment, il y a des choses bizarres. Ouais, c'est-à-dire Des fois, j'entends des cris un peu à l'extérieur, mais je sais tout ce que j'entends, il n'y a pas grand-chose. Ah, d'accord, je vois, merci gros. Et dis-moi, tu me servirais pas un petit bouski, là? Alors, il t'en sort deux. Oh. Et il te demande, lequel veux-tu? Ah, c'est, tu m'offres quoi? La pilule bleue ou la pilule rouge? J'en fous, on va peut-être avancer. Ah, vas-y, le bleu. Le choix de whisky. Donc, très important. Il prend le whisky avec l'étiquette bleue et il te sert le verre et te le lance. Ok, nickel. Te fait glisser sur la table. Les autres, qu'est-ce que vous faites? On va dormir. Moi, je vais pioncer, ouais. Vous allez pioncer. Il est 19h30. Ouais, on va dormir. 19h30. Bah, moi, je vais aller manger. Perso, j'ai un peu faim. Ah ouais, non. Ah, c'est vrai que manger, c'est bien, tu vois. Manger. Bon, on va manger. Vous allez manger. En plus, on a vu des chiens tout à l'heure. Non, mais c'est bien de manger quand même parce que ça vous éviterait d'être malade. Vous bah ouais, c'est le truc à la con. Le lendemain, il dit oh bah non, oh vous êtes mort de faim. On va manger à la café ça, du pire, Chelsea. C'est que c'est totalement possible que je fasse ça. Bah c'est oui, pour non, ça que je vous incite pas bah à oui, manger. Mais on commence à te connaître. Bon, bah on va manger. Alors, on peut peut-être aller aux toilettes aussi alors. Bon, vous mangez. Avant de mourir de dysenterie. Pour le coup, je vous fais pas de G1. Vous mangez correctement. Dans un restaurant, une connerie du genre. Bah, à l'hôtel, je pense. Non, celui de la cafette. Il y a une petite cafette, ouais, c'est ouais. Vous mangez encore des hot dogs? Il y a que ça? Super. C'est un hôtel quand même, il y a un service à room service et tout. Alors, les hot dogs, c'était un vendeur ambulant à la base qui était passé. Ah oui, s'il te plaît. Là, c'est un vrai resto normalement dans un hôtel. On peut manger équilibré. Dans cet hôtel-là, vous avez tout ce qu'il y a de plus con. Hein. Vous avez vraiment du steak frites. Ah ouais? T'es sérieux? Il n'y a pas de hamburger. Il n'y a pas de haricots verts. Ils font pas des légumes. Des haricots, je ne pense pas. Ils font pas de légumes, les mecs. J'aime faire un truc. T'as de la salade aussi si tu veux. C'est quoi? Et je vous mettrai une étoile hein, sur TripAdvisor. Hein. Et c'est un hôtel, pas un restaurant. Bah oui, mais dans un hôtel, t'as bien un service de. T'as bien un endroit pour manger. Vous moquez de moi, il y a le restaurant juste en face exprès. Ah. Mais alors et... attends, si on mange que des frites et des hot dogs, est-ce qu'on va avoir du cholestérol en fin de partie? Parce qu'on a un malus. Bon bah allons manger. Enfin, ouais, allons au restaurant en face. Là, allez, on y va les gars. Face, là, attendez, que... attendez. Si t'as pas le tavernier, mais le réceptionniste qui vous dit attendez. Si vous êtes client de chez nous, vous montrez les clés et vous avez une petite remise sur votre repas. Ok, super. Incroyable. Mais c'est toujours la même chose que vous nous proposez, juste moins cher. Bon, allons en face. Non, en face. Ignorons Xiao. Bon, vous allez en face. Ah oui, j'ai compris. On va faire une ellipse. Vous mangez un repas. Alors, ouais, on mange miam miam. Oh, ouais, c'est bon. Miam miam, oui. Vous avez le lendemain matin plusieurs trucs. On va dormir. Ouais, allez, bonne nuit. Vous dormez tous. Alors toi, Clifford, James, pardon, tu restes et tu. Ah, moi j'ai pris qu'un verre. Après, j'ai été manger avec les autres. Hein. Ouais, et après tu vas te coucher. Ah oui, oui, ça fait. Ok, oui. D'accord, donc on refasse pas encore la soirée. Une nuit de parce que pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, il a bu jusqu'à dormir dans son vomi le lendemain, c'était magnifique. C'est vrai. C'était bien de le rappeler. Bien, on va passer au lendemain. Est-ce qu'il y en a qui. Faites-moi tous un jet de dextérité, tiens. Pour le... Quoi? Savoir si on se réveille à l'heure. On va voir lequel se réveille en premier. Moi j'ai mis mon réveil avant 12h30. Hein. Oui, bah heureusement. Bah 10h, 9h. J'ai fait 0-1. T'as fait 0-1? Oh, ouais. La vache. Le gars est debout à 6h. J'ai fait 92, mon gars. Ah, toi tu t'es pas levé. Réussite normale. Ok. Et il y en a un qui s'est pas prononcé. Ouais, j'ai fait 88. Ouf. D'accord. J'ai 85. D'accord. Bon bah. Et tu viens me réveiller. Façon, hein. Tu dors. Ouais. Alors toi, Clifford. Tu te réveilles, tu tournes vers ta femme. Qui dort? Elle dort encore. Ah oui, elle dort, oui. Tu descends, tu ouvres la porte, tu veux sortir normal et tout d'un coup. Tu sens ton pied s'enfoncer dans quelque chose de visqueux. Wow. Oh, ça y est. Tu regardes ce que c'est? Tu regardes ce que c'est, tu vois un amas de chair. Wow. Au pied de la porte, tu vois du sang qui est en train de. J'ai bien fait de dormir. Sécher au niveau du tapis. Tu vois des morceaux de chair par terre. Ok, est-ce qu'il y a une trace? Tu recules d'un sursaut et tu vois ton. Tu manques de glisser et tu t'étais tellement bien réveillé que tu ne glisses pas. Et ça fait des vieilles traces de. Des vieilles marques de sang sur ton passage dans la chambre. D'accord. Est-ce qu'il y a des pas qui vont quelque part? Y a pas de traces de pas. Okay, en panique, je vais réveiller mes compagnons, tous. D'accord. Tu vas réveiller tes compagnons. Non, pas encore. Donc vous faites. Attends, tu vas attendre. Vous avez pris quoi comme chambre exactement d'ailleurs? T'es dans. T'as pas une chambre séparée? Moi, je suis dans la chambre avec avec ma femme. Je crois que vous avez pris chacun une chambre. Ouais, on a chacun nos chambres. Ça. Tu peux gueuler très fort. Tu vas aller toquer aux portes et tu vois qu'il y a des morceaux de viande qui sont au niveau des pieds des portes. Donc tu vas toquer, tu vas tambouriner. J'ai à la chambre la plus proche, je sais pas laquelle d'accord. C'est. D'accord. Qui avait réussi son jet de moi. Dex? Jacob. Jacob. Donc Jacob, tu te réveilles, t'entends tambouriner à fond à ta porte. Qu'est-ce que tu dis, Clifford? Réveille-toi! Réveille-toi, putain, il y a du sang partout! Comment ça, il y a du sang partout? Qu'est-ce que tu me racontes? Réveille-toi, reviens ici! Donc tu vas ouvrir et tu vas le voir et tu. Tu le regardes, tu tombes face à lui, tu vois pas forcément encore le sang. Ouais. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Qu'il y a du sang où? Je vois rien. Quoi? Mais juste là, à mes pieds, tu vois pas que je suis couvert de sang? Et là, en regardant, ouais, tu vois qu'il y a y a du sang par terre. T'as tes règles? Je vais réveiller les autres, putain, t'es trop con! Il est pas encore bien réveillé, c'est pour ça. Il fait des bonnes vannes, mais la vache! Trop marrant! Et là, ouais, tu sens une odeur de viande caméra, et tu te rends compte qu'il y a effectivement des morceaux de chair par terre avec du sang qui coule, qui sèche sur le tapis, le beau tapis rouge. Bon, beau sapin. Je vais taper à la chambre de. Tu vas aller réveiller James. Ok, tu vas taper, tu vas essayer de le réveiller. Ah, j'ai fait 92. Mais... Tu te réveilles, Ah, je me réveille! Attends, encore pire que moi! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce bordel? Putain, tout va bien dans ta chambre, toi? Bah, tranquille, et toi? T'as pas trop mal à la tête, c'est pas mal. Ah, ça va, moi, tranquille. J'entends ça, je vais taper à la chambre de Xéo. Ah bah, merci de m'avoir réveillé pour rien. Putain, c'est okay. La merde ici, toi. Tu vas à la chambre de Xéo et Xéo se réveille. Putain, la chance. Tu entends tambouriner, qu'est-ce que tu fais? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Putain, toi aussi, tu vas bien? Bah... Ouais, enfin, tu viens de me réveiller, quoi. Putain, sors de là, c'est vraiment la merde. Attends, faut que je m'habille, faut que je mette mon pain, faut que je mette ma douche. Bah, du coup, je sors avec l'arme en joue, parce qu'il m'a l'air un peu trop inquiet, le monsieur, là. Quand tu sors, fais-moi un jet de... Non, mais non. Fais-moi un jet de... Fallait trouver objet caché, tiens. Ah, what? Hein? Okay. Pour qu'il puisse s'apercevoir de ce qu'il y a par terre. D'accord. Oh putain! Et bah j'ai fait 98, mon gars! J'ai 25%! Okay. Alors. C'est un échec critique. Ah, nice! Tu vois rien! T'entends Clifford qui fait. Viens vite! Tu dis putain, mais c'est pas possible! Tu sors avec l'arme, tu ouvres la porte, au moment où tu sors, tu glisses et. Pff, tu tombes la tête la première dans du sang et là tu reconnais une odeur de sang et en fait tu paniques, tu recules et tu dis putain mais il y a une espèce de cadavre ou quoi, tu sais pas trop ce que c'est et tu vois du sang partout sur tes mains, sur ton visage au moment où t'es par terre et tu sais pas pourquoi, tu te demandes même si t'as pas été touché quoi. Je m'en sors bien, au moins je vois qu'il y a du sang par terre, c'est ça que je me dis. Oui, tu le vois. Je vois le verre à moitié plein. Tu t'es tiré dessus. Tu vois, je panique, ouais, okay, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? 3 points de santé mentale. J'ai mon arme et du coup là genre tu sais je braque un peu en mode putain mais c'est quoi ce bordel là, je suis un peu en mode putain mais il est con, il joue avec le feu ce con. Ah oui mais je suis RP. Mais tu veux tirer sur quelqu'un? Tu te relèves, t'essaies de te relever difficilement. Non je reste contre que tu rampes, ça fait des vieilles traces de non, sang. Non par je suis contre un mur quoi, je suis adossé à un mur. Tu te assis, décales quoi. Légèrement sur le mur, ça fait un peu de sang par terre. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? J'essaie de regarder, voir si je vois pas des traces ou d'où ça pourrait venir ou quelque chose. T'essayes d'observer m'aider. Le. Voir si c'est humain ou pas, ouais. Ouais. Le sang, qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette. Qu'est-ce ouais, c'est voilà. Cette chair? Et okay. Voir si j'arrive à. Bon, ouais, savoir d'où ça vient. Alors, tu. De quoi? De qui? Tu te penches dessus, fais-moi un jet d'observation avec un des bonus. T'as combien d'observations? C'est de trouver objet caché? T'as quoi comme compétence exactement? J'ai trouvé objet caché, survie en forêt, premier soin, pisté, orientation, discrétion, écouter, naturalisme, et puis après combat à distance à l'arc. T'as combien entre naturalisme et... Naturalisme j'ai 42. Et pisté? Et pisté j'ai 65. Je vais être gentil, je vais prendre pisté pour une raison plutôt simple. Prends pisté. D'accord. Fais-moi un G en facile en plus. 18. Ouais, bah tu l'as directement. Alors. Attends, j'ai fait 6. Oh, pas mal. Donc, alors, ouais, c'est un bon jet. Je suis en extrême. C'est ça. Alors, toi qui as une énorme connaissance en termes de nature, en termes de chasse, etc., tu te penches. Et quand tu te mets à mettre les mains dans le sang, dans la chair, tu te rends compte qu'en fait c'est plutôt des morceaux. C'est un animal en fait. Et sous les amas, tu retrouves un espèce de crâne en fait. Tu te rends compte qu'en fait c'est un chat qui a été dépecé et c'est des morceaux de viande. Qui a été dépecé et acharné comme si quelqu'un avait donné un tas de coups de couteau dessus et découpé en morceaux, tu vois. C'est pas moi. D'accord, ok. Tu reconnais un crâne de chat, la dentition, tout ça. C'est pas mal. Et il doit y avoir plusieurs chats sous chacune de vos portes. D'accord. Du coup, je vais essayer d'aller expliquer ça à mes amis qui sont un peu tous paniqués. Ouais, vas-y, fais-le. Toi, je suis pas encore habillé, moi. Je suis dans ma chambre. Si, toi, t'es. Je vais aller voir c'est qui est plus proche de moi. C'est James. James ou Clifford, t'étais reparti où, toi, exactement? Non, moi, je suis dedans. Hein, Il était dans ma chambre la dernière fois. Non, je suis pas dedans, mais je suis à côté. Quoi. Ok. D'accord, tu as James et Clifford qui sont à peu près au même niveau. Je vais aller voir Clifford parce que ça a l'air d'être le moins paniqué et puis l'autre il fait peur avec son arme. Le moins paniqué, t'as fait quoi ? Donc je vais le voir et puis je lui explique que j'ai réussi à voir que c'était en fin de compte un chat qu'on avait tué, dépecé, vidé à notre porte, donc il y avait rien de. Faut que j'aille engueuler un réceptionniste, moi. Va, moi je vais aller essayer. Il est tellement énervé qu'il doit. J'ai essayé d'aller demander au réceptionniste s'il y a quelqu'un qui est entré. Pendant ce temps, moi je vais essayer d'aller raisonner James. Donc je vais le voir et je lui dis c'est bon, détends-toi, calme-toi, range ton arme. J'ai dit, va pas blesser quelqu'un, il y a rien de grave. C'est juste un chat qu'on a tué devant notre porte et puis dépecé. Donc. Je fais un G ou pas? Non, ça va. Ok. Chambre d'une perche. Je vais être gentil. Ok, d'accord, pas de problème, ok. Je vais voir le réceptionniste. Ok. Arme. Tu descends, tu vois le réceptionniste qui est allongé sur la table, la tête contre la table. Alors j'arrive et je fais. Bonjour, monsieur le réceptionniste. Et il garde la tête contre la table, il bouge pas. Ah. Monsieur le réceptionniste, nous sommes là depuis 2 jours et on en a bien conscience qu'on est en train de vous faire chier. Mais aujourd'hui, il y a un chat qui est mort dans notre couloir, alors ça serait bien de faire quelque chose. Et tu vois qu'il a les bras ballants en fait contre la table. Est-ce que c'est vraiment une raison, monsieur le réceptionniste? Hein? Hein? Il y en a marre des gens qui font le mort pour trouver des excuses. Ah! Wow! Ça, c'était une blague de ma part. Alors. Ouais, mais il est peut-être vraiment mort. Putain, il est mort. Wesh. Il est mort? Le réceptionniste est mort. Tu veux essayer de voir s'il est vivant ou. Ouais, je fais un test d'estimation. Tu prends son pouls, tout simplement. Non, je prends son pouls, ouais. Je prends son pouls. Mais il est comment là? Il est ensanglanté ou pas? Non, il a pas de traces de sang. D'accord. Fais premier soin. Je vais essayer de lui foutre des petites baffes, ouais. Ok. Je suis pas ça, moi. Hein. Tu peux essayer de lui foutre des baffes. Réussite critique, on fout une grosse teinte dans la gueule. À premier soin, 30%, c'est ça? Ouais, je vais faire premier soin. Tu veux soigner qui? Tu veux soigner quoi? Il a. C'est même pas si blessure apparente. Non, il est. J'essaye de le réveiller, alors je fous des petites baffes. Il prend son pouls. Ouais, tu peux essayer de lui donner des baffes. Ça peut être marrant. Ah, mets-lui des baffes, tiens. J'ai mis les baffes. Ok. Lancer de dés. Plus des peignes. Je vais faire mon lancer de dés, tiens. Ok. Il se lève d'un coup. Tu vois ? Il te regarde et il te fait, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a un chat mort dans notre couloir. Chat mort, mais je... Attendez, je ne comprends pas, là. Qu'est-ce que je fais, là? Et vous dormez sur le bureau, comme ça? Mais c'est pas possible, ça m'est... J'étais pas... Qu'est-ce que... C'est la première fois, je te promets, chérie. Attendez, je peux respirer un peu, s'il vous plaît, monsieur? Je sais pas ce qui s'est... Il se tient la tête comme s'il avait mal au crâne, et il fait, attendez, je vais boire un verre d'eau. Il se sert rapidement un verre d'eau, il le boit et il se met à respirer. Oh, j'ai un de ces mal de crâne. J'ai pas bu d'alcool hier. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est bizarre. Et avant de savoir la suite, on va écouter Sarah H avec une cover de Shallow. A tout de suite sur Indestar. Fantastique. On va vous enrôler dans la folie sur Indestar. Ouais, enrôler dans la folie, super délire, un chat est mort dans mon couloir. On reprend l'aventure. Ah oh non, pas encore. Très bien. Le réceptionniste. C'est le courant de pensée, le réceptionnisme. te regarde bizarrement, il a effet à... J'ai une de ces migraines, je crois que j'ai dû être drogué ou quelque chose comme ça. Pardon. Toujours des excuses, hein. Toi, t'es pas là. C'est comme si James vous disait qu'il buvait pas d'alcool. Qu'est-ce que vous faites? Bah, qu'est-ce que Clifford fait? Tour de jeu. Ouais. On fait tour de jeu avec Clifford en premier. Ouais. Empoisonné. J'allais voir la cafette. Non, je lui demande où est-ce qu'il s'alimentait. À quelle heure tu voulais te réveiller d'ailleurs? Pour 12h30. Attends, tu voulais te réveiller à 12h30? Non, non, c'est, à 10h, à 9h. Je vais te réveiller avant 12h30. Ouais, bah là, il est à peu près 10h alors. Ouais, bah c'est bien. Combien il faut de temps pour aller au cimetière? T'as un mec qui s'est drogué devant toi quand même. En voiture? Ouais. 30 en minutes. Voiture, 10 minutes à peine. 10 minutes, bon, ça va. T'as un mec qui s'est fait droguer devant toi et qui est en pleine confusion. Oui, mais Elias, c'était mon ami. Alors, les amis d'abord, les réceptionnistes après. Bon, alors, tu. On oublie le chat alors, c'est pas grave. Non, je vais. Je sais pas, je vais voir. Passer à quelqu'un d'autre. Ouais, passer à quelqu'un d'autre. Passons à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je finis de m'habiller. Bon, okay. Et je sors, je vois du sang. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bordel? On fait un tour. D'accord. C'est nous les plus rapides de base. Ouais. C'est dans notre sens. Bon, on va passer à ouais, Jacob. T'es... Allez, vas-y, Jacob. Qu'est-ce que tu fais? Bah, attends, du coup, on a tourné dans quel sens là? C'est Xiao qui est encore dans ouais, sa chambre. Ouais, Xiao, il est dans sa chambre, il se prépare. J'ai fini de m'habiller. Il met un peu de temps. Il est tranquille. Ok. Oh, ouais. Bah, je regarde James, voir s'il mettre, est quoi. Tranquille ou s'il est encore stressé. Non, t'inquiète, gros, je suis là, je suis choqué, là, je suis OP. Je suis chaud. Là, du coup, ouais, c'est bon, t'inquiète, pas de problème. Bah, du coup, j'ai vu Clifford descendre, donc bah, je vais le suivre. D'accord, tu descends voir Clifford et toi James, qu'est-ce que tu fais? Ouais, moi je gueule un grand coup. On est au premier étage, non? On est loin Quatrième. Quatrième, ah non, on peut pas faire ce que je veux là. Est-ce que j'analyse la scène un peu? J'essaie d'analyser en fait de. D'où est-ce qu'il y a un amas de chair qui est beaucoup plus important sur une des chambres, ou est-ce que c'est genre, des chats, ou est-ce que ça a été, ou est-ce qu'il y a le plus de sang à un endroit, toi genre essayer de déterminer s'il y a vraiment une personne entre nous qui était visée, s'il y a des indices qui peuvent être déterminés depuis la scène de crime, criminologie, médecine. Est-ce que Jacob t'a parlé de ce que c'était l'amas de chair? Ouais, je lui ai dit que c'était les chats. D'accord. Donc on t'a dit que c'était des morceaux de chat. Ouais, non, mais ouais, je veux savoir. Okay. J'essaie d'analyser en fait la méthode. Ils ont été éparpillés assez rapidement. Tu ne peux pas trop savoir. Enfin, il n'y a pas un endroit où il y en a vraiment plus. C'est pas significatif. Donc c'est vraiment en général. Enfin, c'est vos portes. D'accord. Ce qui est certain, c'est que chacun d'entre vous a l'air d'être visé. D'accord. Et bah du coup je descends les rejoindre. Très bien. Tu descends et là tu vois Jacob qui arrive vers Clifford. Jacob, qu'est-ce que tu fais avec Clifford? Clifford aussi, qu'est-ce que tu peux répondre? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Est-ce que bah Clifford il me voit arriver ou j'arrive dans son dos ou... Tu l'entends arriver, il descend aussi bruyamment les escaliers. Ah bah t'es là. Le réceptionniste là, il a été drogué je pense. Ah bon? Ouais. Empoisonné. Enfin, comment tu sais? Bah, il s'est endormi sur le bureau. Ah oui, forcément, c'est pas banal quoi. T'as le réceptionniste, ouais. Et non pas me, qui reprend encore un verre d'eau et là il te dit et vous, vous allez bien? Ça se passe bien? Ça démasse mon grand. Vous aussi, vous avez quelque chose de. Non. C'est passé quelque chose d'anormal? Il y a un chat qui est mort juste devant notre porte en fait. Et même quatre chats. Quatre chats. À mon avis, ils ont pas été morts. Tu sais, quand il y a découpé et tout ça, en fait, ils sont pas morts. C'est un autre stade là. Oui. Ce mort, ah, c'est juste. C'est bizarre, ils ont été découpés devant notre porte, ça vous va? Ah, là ça me va mieux. Alors là déjà. C'est autre chose quand c'est même. C'est autre chose. Je suis vraiment confus. Oh là là, c'est bête. Peut-être quelqu'un qui a voulu vous envoyer un message, alors dans ce cas-là, c'est. Ne pas tuer de chat. Vous avez vu personne de suspect? Non, j'ai absolument rien vu. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis tombé d'un coup sur la table et c'est tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment navré. Je vais contacter une équipe et on va tout nettoyer. Je suis vraiment désolé qu'il ait pu y avoir un tel incident dans nos locaux. Ok, il est quelle heure là avec moi? Là, il est 10h. Ok. Je lui demande ce qu'il a mangé hier soir. Au réceptionniste, ouais. Ouais, au réceptionniste. Hier soir, j'ai mangé dans l'hôtel d'en face, enfin le restaurant d'en face. Putain, on a bien fait de pas y aller. Si, justement, si vous y avez été. Ah merde! J'ai pris tout ce qui est plus normal, y a pas de rien d'étrange par rapport à d'habitude. Et bu? Rien de spécial. J'ai bu quelques boissons que j'avais sans alcool dans mon bar. Bah, moi du coup j'arrive là. Normalement j'arrive derrière eux, tu vois. Enfin, j'arrive juste après. Ouais, t'arrives, ok, d'accord. Du coup, je comprends la situation. Et est-ce que je peux, grâce à. Tu sais, vu que j'ai quand même pas mal en biologie, médecine, pharma, criminologie, est-ce qu'il y a une de ces compétences qui peut m'aider à peut-être déterminer la drogue par rapport aux symptômes qu'il a, tu vois. Tu l'examines, quoi. Ouais, voilà. Une herbe, est-ce que je pourrais déterminer l'herbe, ou je sais pas, ou pas, peut-être pas l'herbe, mais un, quelque chose qui pourrait s'en rapprocher. Parce qu'il est arrivé. Ouais, voilà. Ok. T'essayes de l'observer, fais-moi un lancer. C'est quoi la compétence ? Bah, j'ai médecine à 95 ou j'ai pharma à 31. Médecine ? Pharma ? Alors, il s'apprête à faire son lancer. Oh là là, le suspense ! Instant suspense. Il va le chier. 34. Ah, fuck. Oh, pas de bol. J'ai okay. 31. Tu cherches. Puis ensuite. Ouais. Tu ouvres une bouteille, tu la sens et ça sent un whisky délicieux et t'as très envie de le boire. C'est tout ce qui se passe. Vas-y, je bois. Tu veux boire, ok. Tu. En guise de petit déjeuner, tu commences à te servir un verre de whisky. Oh, la vache. T'as, et là, t'as le réceptionniste qui fait: ah bah ça se voit que vous avez pas été empoisonné, vous. C'est pour me réveiller là. Bon. Moi, j'ai et, là, et là, il. Sans plus attendre, il se resserre un nouveau verre d'eau. Direct. Un verre d'eau, le réceptionniste ? Oui, il se resserre un verre d'eau. Moi, je peux. C'est bizarre, c'est, il boit beaucoup ouais, quand il même. Boit beaucoup, ouais. Oui, bah, il a dû bouffer un truc pas net. Ou... Enfin, c'est connu, bouffer pas net, ça te fait t'endormir direct. Inhaler un produit pas net, on va dire. Pas fait gaffe, il a mangé la salière. C'est pas sa faute, ça se confond ça facilement aussi. Hein. J'ai fini de me préparer bon. Dans ma chambre. Ah bah c'est pas trop tôt. Eh ben, du coup je sors. Mettre un pagne. Moi je vois qu'il y a des chats et tout ça mort. Enfin je sais pas si c'est des chats mais bon je vois qu'il y a du sang. Alors tu sors dehors. Ouais. Tu vois des amas de chair par terre. Il y a des traces de sang partout sur les murs. Personne lui a rien expliqué. Il y a c'est des traces. Dégueulasse, ouais. Et tu vois pas tes potes. Ouais bah du coup je y a tape. Pas tes potes. Il y a juste des morceaux de sang partout, ouais. De la chair retournée. Et je rentre. Une scène mais absolument. Ça me fait pas peur du sang. On s'en fout. D'accord. Je rentre dans chaque chambre pour voir s'il y a mes camarades. Elles sont fermées. Vous avez fermé vos chambres. Je comment ça vous fermez vos chambres? Ah oui bah ferme ta chambre à clé normal. Ah merde. Même Tago elle est enfermée. Ouais bah. Ah bah, bah je sais pas. Je descends. Attends, tu es d'accord. Donc il y a du sang partout. Tu passes, tu dis. Oh, je suis un chinois, il y a forcément du sang partout. Oh, c'est fermé à clé, c'est normal. Ouais. Tu descends les escaliers, d'accord. Tu descends ouais. Et là tu vois. Je les vois, et puis. Tu les vois, ouais. Mais qu'est-ce que vous avez merdé dans le couloir? Vous avez fait quoi? Vous avez tué qui? Putain, mais. Quelqu'un peut lui expliquer? J'ai pas le. Non, moi je passe mon tour, je vais voir ouais. Au resto en face. Ah, tiens, bah écoute. Micro-ellipse, on lui a expliqué. James, il voilà, est bourré, il ça. Lui a expliqué, il a rien compris, formidable. Ah ouais, fais-moi un jet de. Compréhension. Compréhension, je sais pas s'il y a une stat similaire à la compréhension. Non, mais on avance. Ouais. Pendant ce temps-là, on avance. Moi, je vais prendre une douche et me débarbouiller parce que je vais aller longtemps après, c'est pas raisonnable d'y aller avec du sang sur les pâteaux. D'accord, tu te fais beau, voilà. Tu mets. Un costard. Une trentaine de minutes pour te faire beau. Ouais, ça va, tranquille. Tranquille. D'accord, donc il est à peu près l'équivalent de 10h45 à peu près. Vas-y. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites Moi, du coup, je vais voir le barman, je m'inquiète pour lui, tu vois. Je me dis, putain, se trouve, mon pote, il a des problèmes. Ouais, là, je bois de l'eau, ça va pas. Non, mais pas le réceptionniste. Ah, d'accord. Le barman. Putain. T'as le barman qui est... En fait, tu le vois pas. Ah! Je m'en doutais de celle-là. C'est ce petit salaud! Serait-il un traître? Oh, moi, ça, je ça propose va chier. Oh, ça va chier. T'es parti en face dans le restaurant? Non, fais-moi, je suis dans ma chambre en train de me préparer. Cacher, s'il te plaît. Oh, faut qu'on sorte ta femme. Quoi? On sort de cet hôtel du coup. 85. Parce qu'on est plus en sécurité en vrai. Ah ouais. Donc au niveau du bar, tu vois mais absolument rien du tout. T'as une voiture toi? Je suis aveugle, les mecs! Tu veux pas qu'on mette ma femme dans ta voiture? Et toi dans le coffre, oui. Jiaotong. Oui, alors j'ai appelé mon chauffeur qui a des roues toutes neuves. Oui. Voilà. Non, on m'a encore crevé les pneus. Non. Et du coup, on met Sago qui est en train de dormir dans la voiture. Et bah, on attend les autres pour partir. Parce qu'il est parti enquêter sur le restaurant en face, c'est ça? Non. T'es revenu? Non, mais bah, moi je suis pas parti en fait. T'es pas encore parti? Non, personne n'est parti. Personne n'est parti. Bah du coup on laisse Naomi dans la voiture puis après on va voir en face. En face. Dans le resto. Mais vous avez l'enterrement là. Ouais. Ah oui c'est vrai. Bah non c'est, il est 10h45 c'est dans. C'est encore. Ouais on a encore le temps. Un peu moins de 2h. Non moi je suis encore avec le réceptionniste. Ah. Bah non en fait on a plus le temps, on va écouter de musique du coup, ouais, c'est ça? C'est ça. Ah. On va écouter Nina Natal, I've Been a Fool. À tout de suite sur Indestar. Venez, approchez, on vous embarque avec nous. 20h30, 23h sur Indestar. Entrez avec nous dans l'antre de Cthulhu. On est reparti dans l'antre de Cthulhu, comme dit cette magnifique voix off. Alors, vous voyez le réceptionniste en train de boire de l'eau, puis il a rangé la bouteille et il a l'air d'aller un peu mieux. Bah moi je le regarde et je dis, vous buvez beaucoup d'eau quand même, qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été empoisonné. Vu comment j'ai dormi, ça doit être quelque chose, un produit soporifique. Mais c'est pas en buvant de l'eau que ça va se guérir. Hein. Mais vous vous souvenez ce que vous avez mangé exactement hier ou bu ou au restaurant en face? C'est encore embrouillé, je me souviens plus très bien de ce que j'ai mangé. Poisson, viande, rien? Sûrement un steak frites. D'accord, ok. Il y a des steak frites partout en fait. Ah bah c'est le plat. Bah du coup, je vais aller voir en face. Au restaurant, ouais. Ouais. Ok. Tu vas au restaurant. D'ici là, James, est-ce que tu fais quelque chose? Ouais, moi je téléphone de l'hôtel et j'essaie d'appeler le commissariat ou le lieutenant Poulpe. Travaille et essayer de le contacter pour le tenir au courant de l'affaire, lui expliquer ce qui vient de nous arriver et tout. Ok, tu l'appelles et t'appelles le commissariat, la standardiste passe, etc. Et au moment où tu l'as, il te dit: ah oui, vous enfin. Je vous cherchais, je m'apprêtais justement à me rendre. Au niveau de l'enterrement pour vous croiser, j'ai des informations pour vous. Vous voyez la zone entre quand vous êtes sorti à l'extérieur pendant que vous poursuiviez les espèces de touristes, ouais, ouais. Etc. Par terre à cet endroit là j'ai trouvé quelques documents et je voulais savoir si c'était à vous ou pas. Des documents qui parlent de quoi? Il y a deux documents qu'on a retrouvés. Il y en a un qui parle d'une lettre à Monsieur Elias. Et un deuxième qui parle... c'est un article de journal. Ah oui, ça, c'est à nous. Oui, bien sûr. Oui, non, mais oui, effectivement, oui, je l'ai cherché justement. J'arrivais pas à y remettre les mains dessus. Je crois qu'il nous les aurait donnés, même si c'était pas à nous. Et un autre détail aussi, je tiens vraiment à m'excuser, de l'autre jour où j'étais pas très très sympa. Non, mais il y a pas de problème, je comprends totalement. C'était un peu l'adrénaline, la tension, tout ça. Je comprends. Même moi, j'ai peut-être dit des mots qui dépassaient mes pensées. Je m'en excuse aussi. Bon, n'oubliez pas que si jamais vous avez besoin d'un coup de main pour cette histoire... En parlant de ça, je voulais vous contacter, parce que depuis nous, on a continué l'enquête. Là, on est revenu à l'hôtel et on a retrouvé des chats éviscérés devant nos portes, du sang partout, notre réceptionniste a été drogué. Enfin, pour vous dire que vraiment, l'affaire commence à prendre de plus en plus d'ampleur, ça commence à être un peu effrayant. Ouais. Ça, c'est un avertissement. Oui, bien sûr. J'enverrai des patrouilles passer près de vous la nuit, si vous voulez, si ça peut vous rassurer pour dormir. Oui, ce serait formidable. D'accord, j'enverrai des patrouilles aux alentours, vous inquiétez pas. Sinon, pour vous dire, nous, on compte sûrement partir en Égypte très rapidement, bientôt, pour continuer à creuser la question du culte. Puisqu'on sait de sûr que c'est de là-bas qu'ils viennent. Et c'est de là aussi que Carlyle est parti en expédition. Donc on veut creuser cette question-là. On a un contact là-bas qui pourrait nous éclairer aussi. D'accord. Très bien. Bon, bah, si vous pensez que vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations là-bas, tenez-moi au courant. Bien sûr. Si vous voulez, vous aussi, si vous avez des pistes, n'hésitez pas. On peut s'envoyer des télégraphes alors. Oui. Là-bas. Bien sûr. Je prendrai vos coordonnées. On pourrait se retrouver proche du cimetière, ou alors est-ce que vous voulez qu'on se retrouve quelque part Oui, je. Oui, je viendrai au cimetière, pas de problème. On se retrouvera au cimetière pour que vous me remettiez les documents. D'accord, très bien. Bon bah, à tout à l'heure. Bisous. Bisous. Et il raccroche et donc voilà. T'as aussi un ami PNJ. Et ouais, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Et bah, maintenant que ça s'est fait, je vais du coup m'habiller pour l'enterrement parce que c'était pas prévu à la base. D'accord. Il est actuellement 11h10 à peu près. Ok, boomer. Je crois qu'il a envie qu'on fasse quelque chose. Jacob, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis parti au restaurant en face, s'il est ouvert. Je vais faire un petit jet pour vérifier s'il est ouvert. Il est ouvert. Oh, impeccable. Quelle chance. Ouais. Du coup, je vais là-bas. Il y a quelqu'un qui m'accueille ou je me débrouille ou... Tu arrives à l'accueil. L'homme arrive au niveau de la. Enfin, le réceptionniste arrive, entre guillemets, le serveur, et te dit qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une table, je suppose? C'est personne? Non, je viens pour des renseignements. J'ai le réceptionniste de mon hôtel en face qui a été empoisonné hier ou qui a ingéré des substances bizarres. Et je voulais savoir si vous aviez pas eu d'autres problèmes de ce genre-là. Est-ce que vous avez empoisonné quelqu'un? Pour l'instant, non. On n'a pas eu le moindre retour sur le moindre empoisonnement. Il va bien maintenant? Il est comment? Bah, il est pas encore au top, mais ça va. Il boit beaucoup d'eau. Mmh. C'est tout ce que je peux vous dire. Apparemment, il aurait mangé un steak frites hier soir. Donc. Oui. Il adore les steak frites. Ah bon, bah, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est passionnant. Attends, je note. Et du coup, est-ce que t'es vous. T'es pas là, toi. Oh, c'est vrai, je note pas. Mais oui, en même temps, c'est un peu un plat que tout le monde réclame, le steak frites. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Est-ce que vous auriez des restes de la veille? Des steak frites? Alors, on tient à dire que notre viande est impeccable, monsieur. Je n'ai pas dit le contraire. Est-ce que vous avez vu des mouvements, enfin, ou des personnes suspectes au restaurant? C'est un poulu qui vient demander ça, quoi. Ils font bien, vous êtes tous barrés. Et qui mange de la bouffe. C'est clair, en fait, il veut juste piquer la poucave. Pendant la nuit, il y a eu peut-être plusieurs personnes qui sont passées au niveau de l'hôtel Magis. L'hôtel Chelsea, pardon. Mais j'ai pas vu grand chose de plus. J'ai juste vu des personnes s'agglutiner au niveau de l'entrée, c'est tout. Il faisait trop sombre. J'ai vu que des ombres. D'accord. Alors, pour être honnête avec vous, on a retrouvé des chats complètement morts, dépecés, vidés de leur sang devant nos portes. Donc c'est pour ça que je viens. C'était ça, les bruits étranges depuis quelques temps. Ah, donc vous avez entendu des choses? Avant-hier, il y a eu des bruits étranges pendant la nuit. Peut-être que c'était des combats de chats ou autre. Peut-être, sûrement. Vous avez pas vu de personnes suspectes rentrer, habillées bizarrement, avec une toge ou... Honnêtement, les ombres que j'ai vues avaient peut-être des habits longs, mais impossible de savoir. D'accord. Bon, hein, ce sera tout, monsieur? Oui, il y a vraiment pas moyen de voir les restes d'hier soir. Vous voulez voir la viande, des choses comme ça? Oui, si vous pouviez m'en donner un morceau. Parce que j'ai un peu faim. J'espère que c'est pas un stratagème pour venir réclamer à manger. Ah non, du tout. Je vous apporte les chats qui sont devant nos portes, si vous voulez des preuves. Non, c'est bon, j'allais faire une blague, mais... C'est bon, on en a déjà dans nos cuisines. Toi, t'es pas là, alors. Oh... Mais il t'aurait regardé bizarrement. On aurait fait des clins d'œil. Alors du coup. Du coup, il se dirige vers la cuisine. Puis quand il revient, il fait c'est plutôt les restes. On les a achetés à l'extérieur. Il y a peut-être quelques steaks hachés, quelques. Mais c'est dans le congélateur, donc ça va être. Je pense que si quelqu'un a cherché à empoisonner ou quoi que ce soit, ça serait plutôt directement dans son assiette. Mais j'ai ça si vous voulez. Du coup, il te sort une poubelle et il fait si jamais vous voulez regarder à l'intérieur, faites attention tout de même. D'accord. Merci beaucoup pour votre aide. Tu repars. Toi, oui. Bah Clifford, sinon, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais me préparer pour aller à l'enterrement, mais ça, du coup, ce sera la semaine prochaine, le mois prochain, puisque c'est la fin de notre programme Enrôlé dans la folie. Quelle information va vous fournir le policier poule? Le policier, l'enterrement d'Elias. Est-ce qu'il y aura des morceaux de viande étranges lors de l'enterrement d'Elias? Est-ce que la viande du restaurant est avariée? Est-ce que c'est du chat? Est-ce que Jacob va tomber malade à cause de cette viande en essayant d'y goûter? C'est vraiment de l'eau que boit le réceptionniste? Est-ce de l'eau, de la vodka? Est-ce que James va être encore bourré? Oh wait, ça c'est sûr. Vous le saurez en écoutant le prochain épisode d'Enrôlé dans la folie. Merci à tous d'avoir écouté. Et on vous dit au mois prochain. A plus. Au mois prochain. Très bisous. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.